de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit nos chroniqueurs Véronique Mire, Jean-Antoine Rioux et Frédéric Bernard. Trois chroniqueurs moins de nous, c'est la promesse que nous faisons aujourd'hui. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 15 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut. Par souci de transparence, on doit encore accueillir nos auditeurs qui viennent peut-être d'arriver, de nous syntoniser alors qu'il n'y avait rien encore avant nous. Ah, mais si tu veux, hein, avant, après nous, le monde n'existe pas. C'est qu'un néant. On est sur notre île déserte. Mais nous vous accueillons comme ça à bras grands ouverts. Hein? À grands bras ouverts. Hein? Grands bras ouverts. Ben, dépendant, les miens sont plus longs que les tiens. Aujourd'hui, les miens sont plus longs que les tiens. À 8h15 environ, on va recevoir Jean-Antoine Rioux du Club plein air UQTR pour sa chronique sur tout ce qui est à l'extérieur. À 8h30, c'est Frédéric Bernard et Crackpot TV, toujours une série à nous conseiller à chaque fois. Puis c'est, je lui en voudrais jusqu'à la fin des temps de m'en suggérer autant. C'est trop pour moi. Et puis, si on a du temps à la fin de l'émission, on s'achètera des gadgets sur Internet, mais c'est le moment de commencer le plus vite possible. Dépêchons-nous, parce que la lettre D va, défiler devant nous, puis on va la manquer. Tu sais, D, quelque chose genre. C'est Véronique Mire et le Véronictionnaire. Bonjour Véronique Mire. Salut. Ça va bien. Ça va bien. Vous autres? Ben oui. On délire. On débloque les ondes, hein, parce qu'on vient d'arriver. C'est beau. On arrive là, puis on paf directement dans les dents. Oh, excellent. Voilà. Donc, c'est la lettre D pour ceux qui suivent pas jusqu'à maintenant, qu'on fait dans le Véronictionnaire cette semaine. Oui, hey, ça achève, mine de rien, là, D. Dernière fois parce qu'on a commencé, va parler de D. On repart de bord après. Ah ouais. On part de A, puis on m'a fait plusieurs suggestions. Parlons des chiffres, Des symboles comme la petite étoile. Des symboles. Les chiffres, ça peut être long. Tu vas-tu partir à rebours? De 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Faut-tu part de... Non, pas part de 1000. On va se donner quand même une limite raisonnable. Ah ouais. Tu reviens... Un petit jeu quand même. Donc, la lettre D. Oui, la lettre D. Donc, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer le matin comme ça, par mon premier mot qui est un verbe qui représente ce qu'on a fait pas mal toute la nuit. Dormir! Oui! Alors, en tout cas, pour moi, ben, en partie. En dégueuler bonne partie. Pour ceux qui ont veillé hier. Ah, c'est ça que tu vas nous parler? Non, vraiment, je vais m'en tenir à dormir parce que dégueuler le matin, je suis pas trop fan. Non, toute la nuit. Toute la nuit qu'on a toute dit. Toute la nuit. Voilà. D'après vous, combien de temps ou quelle proportion de notre vie passe-t-on à dormir? Le tiers. Ouais, le tiers, on dit 8 heures qu'il faut dormir en général. Ouais, c'est relatif. Ouais, mais si on fait une moyenne, sûrement, ça doit être le tiers de la vie. Ben, exactement. Ben voilà. Hey, vous êtes débiles. Bon. Disjoncté, c'est bon. Bon. Débrouillard. Donc, le tiers de notre vie qu'on passe à dormir, pourquoi on dort? Bon, pour faire des travaux d'entretien, comme on dit. Donc. C'est pas aller aux toilettes, ça? Non, c'est l'autre tiers de la vie. Ben, ça, c'est les travaux de. Comment on dit ça? D'évacuation. D'évacuation. Donc, pour produire les hormones dont on a besoin pendant la journée, pour organiser aussi nos neurones, hormones, c'est drôle, ça arrive, dans le cerveau. Donc, les cycles de sommeil nous permettent d'entretenir notre mémoire et nos facultés intellectuelles, en plus de nous reposer et de nous régénérer. Pendant une nuit, on rencontre 3 à 5 cycles de sommeil d'une durée d'environ 90 minutes là, pour les 3 à 5 cycles. Donc, j'ai quand même ciblé certaines informations sur c'est le sommeil, mais on parle de dormir. Là. Bon, c'est toujours un peu... Mais c'est moi qui fais la chronique. Je choisis de quoi ça. Je parle. On a rien dit, non. Donc, les 5 phases de sommeil, la phase 1 qui est la somnolence, ou là où on s'endort. Hein. Vous, c'est quoi vos signaux de sommeil? Qu'est-ce qui vous dit, là, il faudrait que j'y aille? Les yeux me chauffent. Je suis en train de travailler, puis je suis pas capable de focusser, puis je connais les clous. Manque de vigilance. Ouais, ouais, les yeux chauffent. Je regarde l'heure, je dis « Ah, il est tard! » Je cligne des yeux et 10 minutes viennent de passer. Oui, c'est bon, ça! Ça c'est intense, somnolence. C'est vrai, ça. Ça, c'est pas d'un premier signaux, je pense. Ça, c'est peut-être les extraterrestres qui m'ont kidnappé. C'est quand tu commences à somnoler, en effet. Mais il y a aussi, des fois, bon, on commence à bâiller. Oui. Aussi, on a des frissons. Oui, ben oui. Donc, ça va on avec... On a le goût de se brosser les dents. Ah. Ah. Ça sent bien. Pour ceux qui ont de la difficulté à s'endormir, on recommande d'ailleurs d'induire le sommeil en provoquant ces signaux-là. Faire semblant de bâiller, genre? Ben, on peut faire semblant de bâiller puis s'étirer pour induire le sommeil ou encore, comme tu as parlé de se brosser les dents, ben, d'avoir vraiment une routine de sommeil qu'on fait avant d'aller se coucher. Ça, c'est pour les insomniaques parce que les gens qui ont juste la difficulté un peu à dormir, ben, on cherche pas vraiment. Là, c'est juste circonstanciel. Moi, la période de somnolence est vraiment, vraiment courte. Là, aussitôt que je ferme les yeux, je suis plus là. Ah, t'es chanceuse! Wow! Ah, moi, c'est long, hein? Puis justement, pendant la phase de somnolence, ben, c'est là où on peut avoir l'impression là, qu'on a cligné des yeux puis wow, on a manqué un bout. Comme quand on écoute un film. Là, ça m'arrive souvent pendant un film. Depuis que j'ai mon divan actuel, je suis plus capable d'écouter de film, il est trop confortable. Ou les conversations sur l'oreiller, là, où la personne te parle, puis tu dis oui, puis c'était pas ça partout qu'elle t'a demandé. Tu dis oups. Il paraît que moi, je converse sur l'oreiller, puis qu'à un moment donné, je fais juste plus répondre. Je pose une question, mon chum me répond. Je réponds plus. Ça, on appelle un silence radio. Ouais. Puis des fois, même pendant cette phase-là, tu peux avoir l'impression que tu continues quand même à parler, mais tu le fais plus. Ah non, moi, je dors. Bon. Est à off. Est partie. Moi, je suis vraiment à off. Mais cette phase-là, on s'en rend pas compte qu'elle se produit, la phase de somnolence. Par contre, on s'en rend compte quand on s'en réveille. Mm-hmm. Bon, c'est là on fait « Wow, qu'est-ce qui est en train de se passer? » D'où les dangers là, de la somnolence au volant. Mm-hmm. Faire attention à ça, parce que quand on part, on s'en rend pas compte. Puis quand on se réveille souvent, ben si on se réveille, on est chanceux. Sinon, ben bang dans le mur ou etc. De là, les petites lignes rugueuses. Là, oui. C'est parti. La deuxième phase de stade 2, c'est le sommeil léger qui occupe environ 50 % de notre temps de sommeil. On est encore un peu sensible aux stimuli extérieurs. Souvent, les gens qui dorment mal, 80 % des gens qui dorment mal ont l'impression qu'ils dorment pas pendant cette phase-là. Ouais. Souvent, les siestes d'après-midi, là, on va plus tomber en sommeil léger. On tombe rarement en sommeil profond. C'est un peu ça le matin quand tu dis « Hey, j'ai pas dormi de la nuit, mais zéro, là. » Mais t'as quand même dormi quelques heures, là, mais c'était pas un sommeil super réparateur. Ou bon sommeil. Les phases 3 et 4 sont confondues dans ce qu'on appelle le sommeil profond, là où les signes vitaux ralentissent et deviennent réguliers. Au stade 3, l'activité musculaire est presque complètement partie. Et au stade 4, on peut devenir somnambule ou avoir des terreurs nocturnes. C'est là où ça se produit. La partie fun. Oui, la partie le fun, mais c'est pas tout le monde qui en a. C'est très important chez l'enfant qui aille chercher cette phase de sommeil-là parce que c'est là où s'opère la division cellulaire et la production de l'hormone de croissance. Donc, un enfant qui dort mal, ça peut être plus problématique. Chez l'adulte, les problèmes de sommeil vont mener à une nervosité ou une anxiété, du stress et tout ça. Mais chez l'enfant, ben, c'est que ça peut l'empêcher de croître. Puis, contrairement à ce qu'on pense, le sommeil profond, il n'est pas ultra présent pendant notre nuit de sommeil. Il occupe environ 1h40 de toute la nuit. Donc, c'est pas très long, là, quand même. Puis, la dernière phase, celle où majoritairement les rêves se passent, là, quoi qu'il se passe aux autres phases aussi, c'est le sommeil paradoxal, qui occupe 20 à 25 % du temps de sommeil. Là où on devient un peu comme paralysé, si on veut, le plus grand chose qui se passe, puis le contact avec le monde extérieur n'existe plus. Les besoins de sommeil, vous en avez parlé tantôt, hein, en disant on dort à peu près le tiers de notre vie. Ben ça varie entre 6 à 10 heures. C'est pour ça qu'on parle de 8, parce que c'est comme la moyenne entre les deux. À votre avis, dans le monde, qui sont les plus grands dormeurs, si on pense à des pays ou à des continents? Des continents, mettons. Là. Je pense que ce serait facile de dire les Mexicains avec leur sieste d'après-midi. Probablement. Les grands dormeurs. Les grands dormeurs, oui. Moi, je dirais d'un pays froid. Ah, peut-être. Pays froid. Un pays froid. Je dirais les Américains parce que le taux de chômage est élevé des fois. On pourrait dire les trifluviens, le taux de chômage est élevé. Ouais. Ben, la réponse va vous surprendre. Moi, elle m'a étonnée. C'est les Australiens qui sont les plus grands dormeurs. Tu sais, quand je dis pays du Nord, j'étais dedans, tabarouette. Ils dorment à l'envers, je pense, les Australiens. Ah, peut-être, comme les chauves-souris. Ouais. Ils dorment en moyenne 9 heures par nuit, eux, les Australiens. 9 heures. Ça doit être ça l'accent. Ouais. Peut-être. Moite. L'accent allongé. Puis les moins grands dormeurs, c'est qui, à votre avis? Les Éthiopiens. Je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Pourquoi pas? Non, les Chinois. Peut-être. Là, je pourrais dire encore les Américains parce que c'est tellement stressant. Le taux de chômage est élevé. Non, mais c'est ça. C'est stressant, tu cherches une job. C'est ça. Tu dors pas, tu rêves toute la nuit, tu cherches une job. C'est le mode de vie productif là, qu'on impose. Pour ça, je parle des Chinois et des Japonais. Ouais. Eux autres sont plus tight. Pour aller à l'usine pour 5 cents par heure. Ben, t'as totalement raison, ouais. Tef. Oui, c'est les Asiatiques. Donc, un Asiatique sur deux dort moins de 6 heures. Yeah. Fait que, mais ils vivent avec ça. Eux autres sont faits de même. Doit être ça les yeux. N'importe quoi. Non. Trop loin. On a tendance à penser aujourd'hui que quand on dort mal, si on dort pas d'une traite, du coucher au lever, on dit hey, j'ai pas dormi toute la nuit, je me suis réveillée et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil monophasique. Puis en fait, ce serait une conséquence de l'industrialisation puis de l'éclairage artificiel. Mmh. Il y a un chercheur, un psychiatre américain qui travaille sur le sommeil, Thomas Alvin Weir, aux États-Unis en 1990, qui a fait une étude pendant un mois. Il a mis des gens dans un local où il y avait 14 heures d'éclairage par jour. Puis au début, ils pouvaient dormir n'importe quand qu'ils voulaient. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'être là. Puis, après qu'on ait payé notre dette de sommeil, si on veut, là, parce qu'on n'a toujours jamais assez de sommeil, on a toujours du sommeil à rattraper, bien, les gens, petit à petit, avaient plutôt un sommeil biphasique. Ils vont dormir jusqu'à sommeil léger, là, une ou deux heures, ils vont se réveiller, vont faire leurs affaires, puis ensuite, ils vont redormir de 4 à 6 heures. Mmh. Puis ça, ça serait plus naturel chez l'humain que la nuit d'une traite. Je comprends vraiment ça. Ah. Je comprends vraiment ça. J'aime ça faire... hier, j'ai fait une petite sieste de genre 5 heures à 8 heures le soir. Oh, puis je me suis couché à mon heure quand même. Sieste, ça, 5 à 8. Là. C'était de demi-nuit, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai dormi 4 heures le soir. Quand on a besoin. Ouais, ça m'arrive souvent, l'après-midi. Ben souvent, c'est quand j'essaie de lire, là, puis que tu te rends compte que tu lis pas, puis que t'es un petit peu les yeux dans la graisse de bine. Bah, je vais juste fermer mon livre un petit peu, puis finalement, t'as dormi une heure, là. C'est le fun de pouvoir se permettre des siestes de temps en temps. C'est un petit cadeau qu'on s'offre. Vraiment, ça fait du bien. Puis pendant qu'on parle de dormir, je vais vous parler d'un animal. Le dodo a-t-il réellement existé? Michel? Le dodo, là, l'oiseau. Moi, là, je dirais que oui, ouais. Je me posais quoi? On faisait pas des outards, des moutards, des tourtières avec ça, des dodos. Ah non, c'est qu'une tourte. Je sais bien. Ah, les dodos. Ben, aussi appelé le dronte, c'est un animal qui est aujourd'hui disparu. Donc, il a existé, mais il n'existe plus aujourd'hui. Il a vécu sur l'île Maurice, mesurait 70 cm de haut et ressemblait à une dinde. Mais c'est pas un oiseau qui pouvait voler. C'est un oiseau coureur qui habitait dans les forêts et dans les plaines. Il a été découvert par les Européens, principalement, ou en fait particulièrement, par des marins hollandais. Quand ils sont débarqués sur cette île-là, ben, il y avait faim. Hein? Puis il y avait les dodos qui étaient là, donc ils se sont mis à les chasser. C'est devenu un gibier de choix. Puis avec les animaux domestiques qui sont arrivés sur l'île, ils sont devenus chassés par les animaux aussi. Donc éventuellement, ils ont fini par disparaître là, au milieu du 18e siècle. Donc ça a réellement existé. Pauvre petit dodo. Pendant qu'on parle de dodo, oiseau, un autre oiseau qu'on connaît bien, qu'on mange beaucoup ici. Une dinde. Ouais. Ah ben oui. Une dinde. Donc, d'où vient la tradition de manger des dindes, surtout à Thanksgiving, hein? Donc, d'où vient aussi la découverte de la dinde? Alors, je me suis interrogée un peu là-dessus. Alors, la dinde, tu sais, souvent on dit tout vient des États-Unis ou de l'Europe. Ben la dinde, c'est un animal qui vient de l'Amérique du Nord. Ah. Donc... vraiment, elle était ici avant l'arrivée des Européens, bien évidemment. Donc, son nom est dû à Christophe Colomb. Quand il est arrivé en 1492, il pensait avoir trouvé l'Inde. Les Indes, oui. Fait que lui, il a tout appelé d'Inde quand il est arrivé. C'est ça. Il a du blé d'Inde. Là, il y a un oiseau d'Inde. Oui, c'est ça. Il a dit... Check-moi le lac d'Inde, puis le monde d'Inde, là, les Indiens. Tout était d'Inde. Voyons parce qu'il donc. Provenait d'Inde, selon lui. La riboule d'Inde. Et il l'a appelé la poule d'Inde, parce que ça lui faisait penser à une poule. OK, oui. Il l'a appelé la poule d'Inde. Ça vient de la riboule d'Inde. Ben oui, sûrement. Donc, les conquistadors espagnols l'ont introduit en Europe et en 1518, c'est les missionnaires jésuites qui se sont emparés, si on veut, de la dinde, qui se sont dit hey, « c'est donc ben bon ça, on va en faire l'élevage ». Puis eux, ils ont décidé qu'ils changeaient le nom de la dinde, la poule d'Inde. Là. En fait, le nouveau nom de la dinde dans ce temps-là, c'était le jésuite. On cherchait loin, là. On cherchait très loin. Les autres, ils appelaient tout par rapport à la religion. Je pense que je préférerais d'appeler tout par rapport à l'Inde. Ouais, ouais. Ça, moi, je suis pas d'accord. Ça a plus d'allure. Ça fait moins moi, là. Ouais, ouais. Puis, en 1620, les pères pèlerins ou les Pilgrim Fathers qui sont arrivés en Nouvelle-Angleterre, eux, les Indiens ont décidé en signe d'amitié de commencer à leur apporter des dindes là, pour qu'ils puissent les manger. Donc, en 1621, le gouverneur William Bradford a décrété 3 jours d'action de grâce où on cuisinait de la dinde sauvage. Donc, c'est de là qu'est partie l'action de grâce. Et fait comique, en Europe... dans les années 1500, début 1600, la dinde était aussi reconnue comme étant belle que le pain et le cygne, et on la retrouvait dans les jardins des grands rois et tout ça. Là. Oui, c'était exotique. Cool. Et, Mais c'est depuis ce temps-là, dinde. Fait bonus, c'est depuis ce temps-là qu'on célèbre le jour d'indépendance. Le jour d'indépendance. D'indépendance. Tant qu'à parler de dinde, moi, les oiseaux, puis tout le monde le pense aussi, là, mais déjà quand j'étais petite, avant même d'avoir lu que tout le monde pensait ça, je me disais que je trouvais que ça ressemblait à des dinosaures. T'sais. OK. Faut pas trop. Ah. Mais ils disent souvent que les oiseaux descendent directement. Évidemment, comme tous les autres animaux, là, de dinosaures. Donc, dinosaure, c'est mon prochain mot. Ah, cool. Ah, ben oui, ça commence par D. Dinosaure, je sais que c'est en ligne avec ça. Donc, d'où vient le mot de dinosaure? En fait, c'est un paléontologue, paléontologiste britannique nommé Richard Owen au milieu du 19e siècle qui a inventé le mot dinosaure, qui vient de très vieux mots grecs, déinos, qui signifie terrible ou terrifiant, et sauros, qui signifie lézard. Donc, en effet, dinosaure veut dire lézard terrifiant. Ça voilà. Se tient pas mal. Mais pas aussi terrifiant qu'une dinde en. En sauce. Watch out. Dinde en sauce. Ah, miam. C'est resté peu reine, dinde en sauce. On aurait-tu une petite toune pour un petit break musical? Bien sûr. Je t'offre quelque chose qui commence par D. Non seulement l'artiste, mais aussi le nom de la pièce. Ah, ben là. Hein, c'est Danko Jones et Do You Wanna Rock? Yes. Dans le Viral Dictionnaire. Come along, am I coming on strong? is watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Do you wanna rock par Danko Jones? Yes, ça fit, j'adore ça. Génial, c'est toujours dans le vieux dictionnaire, on est dans la lettre D, vous aurez compris par notre choix musical. Ouais, donc lettre D, il reste quatre petits mots avant que la lettre D soit terminée, mes quatre dernières sélections. La première, c'est un petit conseil pratico-pratique maison, style Madame Bicarbonate de soude, là. Ok, ouais, Madame... Chastache. Ouais, c'est ouais, ça, c'est faudrait ça, trouver ben... un autre nom pour pas... enfreindre le copyright de Mme Chastache. Madame, non. Madame Débrouillarde. Madame poursuite des formes louches sur vêtements. D'accord. Ah oh ouais, c'est bon. OK. Adopté. Ah ben ouais, hein? Pourquoi pas? Ben, comment redonner du volume à des vêtements de duvet? Aïe, c'est dans sécheuse. Ouais, dans sécheuse. Bon. Dans sécheuse. Ben, en fait, c'est vraiment quand on les lave, il faut mettre des balles de tennis propres. Dans la laveuse, c'est que ça va empêcher le duvet de former des tapons. Mais là, c'est parce que sinon, parce que ça fesse comme tout le ça temps. Ça met de l'air, ouais, ça met de l'air dans les vêtements, fait que ça empêche les manteaux, les couettes, tout ça, là, de. Ah, c'est cool. Et fouiller, pogner des motons. Mais si je lance une balle de tennis dans la sécheuse, c'est quoi que le chien saute dans la sécheuse aussi? Oui. Mais ton chien va être vraiment. Les chats aussi, hein. Mon chat capote ses balles de tennis, faut pas que je les échappe à terre. Pas rapide. Non, mais vous devriez pas donner des balles de tennis à des chiens. Ah, ben, ah, ben. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est pas bon pour leurs dents, ils croquent dedans. Ah. C'est pas bon pour leurs dents. Ah. C'est un bonus. Ah. Yes. Cool. Un autre petit truc. Conseil de technicien en santé animale. Ah. C'est pas moi. Non. OK, OK. Oh, on en a pas. Un autre sujet intéressant, encore très utilisé aujourd'hui, le distributeur automatique de billets. Un guichet. Un ATM. Oui, ou le DAB. Oui. Distributeur automatique de billets. Il y en a qui disent GAB aussi, je pense. Banque Royale, c'est GAB qui dit. Ah oui? Un guichet automatique bancaire. Ben ouais. Ben, avec son... Chacun son appellation. Avant que ça existe, là, toutes ces affaires-là, là, comment qu'on faisait pour avoir de l'argent? On la faisait plus voler. Mais voler, c'est pas bon, et demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire, comme disait. Ouais, quitter, c'est pas beau. C'est ça. Ouais. Ben, on allait à la banque. Hein? Ben oui, on ben allait oui. à la banque, on demandait okay, de l'argent. Oui, il y avait des gens. Ouais, c'est plus simple. Il y avait du monde au bord du comptoir, tout ça. Mais les problèmes, c'était que souvent les établissements soit étaient bondés parce que tout le monde y allait en même temps. Ou qu'il y avait des hold-up. Ouais, le premier du mois. Les heures d'ouverture étaient restreintes. Fait que souvent, c'était restreint, c'était fermé, je veux dire. Donc, aujourd'hui, il y a 2 millions de guichets automatiques à travers le monde. Wow. Et la paternité de cette invention-là aurait trois hypothèses. Donc, la première, qui est qui serait... En 1939, Luther George Simjian, donc un concepteur américain, évidemment. Hein? Donc, les Américains sont bons pour... Avec toutes mes chroniques, là, je me suis rendu compte que souvent, toutes les inventions, c'est américain. Mm-hmm. Souvent. Pas toujours. Une bonne partie. Et toutes les découvertes, c'est européen. OK, donc les Américains sont bons pour exécuter quelque chose que j'ai découvert par d'autres. Créer des choses. Ouais. Puis les Européens découvrent les contrées, les pays, les endroits. C'est souvent ça, en tout cas. C'est une constatation générale. Là. Donc, Luther George Simjian, d'origine arménienne, a l'idée de créer l'ATM, l'Automatic Teller Machine. Teller comme dans vraiment le caissier ou la caissière. Teller, oui, c'est ça exactement. Cool. Ouais. Donc, il dépose 20 brevets et c'est la Citibank de New York qui décide de faire un premier essai pendant 6 mois pour voir si ça pogne. Malheureusement, étonnamment, c'est un gâchis, là, c'est il n'y a pas de un succès. Échec. Donc, un échec, oui, c'est ça. Et ils sont bien désolés de devoir annoncer à l'inventeur que les machines sont principalement utilisées par des prostituées et des joueurs peu désireux de traiter avec des caissiers face à face. Ben oui, je voulais pas être vu. Fait que c'est mal vu, tu sais, les guichets automatiques. Donc, un peu plus tard, ça va être James Goodfellow au Royaume-Uni qui va déposer un brevet aussi le 2 mai 1966. Mais lui, on n'en parle pas tellement. Celui qui nous intéresse le plus, c'est John Shepherd Baron. Donc, un inventeur aussi... Attendez, là, lui, j'ai comme pas... un Écossais. Bon, c'est un Écossais. Alors, lui, au 21e siècle, il se souvient qu'il avait besoin d'argent un samedi pour toute sa semaine, puis qui trouvait ça bien fatigant de devoir aller à la banque le samedi, retirer tout son argent pour la semaine. Puis un bon jour, il est allé un peu trop tard, fait qu'il a dû aller voir son garagiste avec un chèque pour lui demander de lui échanger en argent. Fait qu'il s'est dit, là, faudrait trouver quelque chose de plus commode que ce système de banque-là ou d'échange. Alors, il s'est mis à penser au distributeur de chocolat où une barre chocolatée est délivrée en échange d'argent dans les machines distributrices. Alors, il a créé le premier guichet encastré dans le mur. C'est de lui que ça viendrait. Donc, un Écossais, cette fois-ci. Mais bon, c'est controversé. Comme je vous l'ai dit, là... L'Écossais qui économisait son argent. L'Écossais qui économisait. Et à votre avis, où est situé le guichet le plus inaccessible au monde? Probablement au Tibet. Tibet? Je sais pas. Au sommet du montagne. Ça se peut. Au sommet du Kilimanjaro. Sinon, là, il y a le pape. Le Vatican? Oh, oui, oui. Là où il y a le pape. Oui, oui. C'est l'endroit où le pape... Il est fort en géo. Merci. Ben, en fait, c'est la station américaine antarctique de McMurdo, située au sud de l'île de Ross. C'est là où serait le guichet le moins accessible. Un petit pèlerinage là-bas. Un petit détour. Qui fait frite. Ou qui fait frite. Des deux derniers sujets, donc, c'est quoi un diodon? Qu'est-ce qu'un diodon? On dirait un instrument de musique. Ouais, sinon ça ressemble à... Quand tu veux faire du rigodon. Est-ce qu'une princesse se met sur la tête, un diadème? Ça ressemble à ça. Diachylon, on dirait aussi. Je sais pas. Non, je sais pas. Ben, un diodon, c'est un poisson de la famille des diodontidés qui a la capacité de gonfler. Ah, c'est le poisson qui gonfle! Le poisson qui gonfle. On a parlé la semaine passée. Poisson lune. Poisson lune. Principalement. Oui. Diodon, ben en fait, les diodons sont ceux qui ont aussi des piquants, là, qui sont mortellement venimeux pour les hommes, parce que vous avez aussi une autre sorte de poisson qui gonfle. Attendez une petite minute. Fish, là. Les tétraodontidés, eux, ils gonflent, mais ils n'ont pas de pic, ils sont pas venimeux. Je pense que c'est ça, le poisson lune. Poisson lune, ouais. Ça doit être ça. Ben, je me souviens que tu as dit un mot qui ressemblait à ça. Ouais, moi aussi. Tétra quelque j'aurais chose. Pas pu le répéter. C'est la sorte de carton pour le jus aussi, le tétrapac. Oui, c'est ça. Donc, aussi appelé poisson hérisson, poisson parc-épic ou hérisson des mers. Alors, eux accumulent une toxine appelée le tétrodotoxine qui est accumulée partout dans leur corps, sauf dans leurs organes... partout dans leurs organes, okay. Sauf dans leurs muscles et dans leur sang, évidemment, pour pas qu'ils s'enveniment eux-mêmes. Alors, lui est insensible à ça. On retrouve principalement le venin dans la peau, le foie, les intestins et les gonades, les organes reproducteurs du poisson. Et, évidemment, dans les pointes des piquants, surtout chez les femelles en pleine période de reproduction. Donc, si vous voulez manger des diodons en toute sécurité, il faut faire cuire le poisson à une très haute température dans l'eau là, pendant plusieurs heures parce que la toxine est relâchée après beaucoup de temps. Donc, c'est une chance à prendre. Ouais, je ne serais pas mon genre, moi, de tenter ma chance. Essayez ça, hein? Non. Mais c'est un poisson, avec tout ça, hein, qui peut vivre plus de 10 ans. Ah. Donc, il vit longtemps. Pour terminer... Un petit sujet, j'ai dû m'arrêter là-dessus dernièrement avec mes mentors. On parlait d'odeur, donc déodorant. Ah! Déodorant, oui. C'est intéressant, ça! Désodorisant versus anti-sudorifique, c'est pas la même chose du tout. Non. Désodorisant, ben, ça, c'est Ben, t'as pas posé de question. Non, je sais. C'est un bon sujet. D'où vient l'invention du déodorant? Donc, cherchais-tu déjà un jeu de mots? Ouais. Mais ça n'a pas marché comme ça, tu peux voir. Ça va peut-être te venir, tu vas voir. Ouais. Donc, le fait de sentir mauvais a aidé l'homme hein, à être ici aujourd'hui, là, à continuer à exister. Parce que dans le temps des hommes des cavernes, quand on a commencé à pouvoir se tenir debout puis à marcher, on avait déjà assez à dealer, de dire « Wow, je vois loin, je suis capable de me tenir debout », que ça nous dérangeait pas de pas sentir bon. Alors, les prédateurs ou quelques prédateurs qui nous approchaient se disaient « Wesh, ça sent donc bien pas bon un humain. » Je vais aller c'est chasser vrai. Quelqu'un d'autre. Et soit dit en passant, il y a beaucoup d'animaux qui sont répulsés, c'est pas le bon mot, là, mais par l'homme. Si on veut, repoussé. Repoussés par l'odeur de l'humain, même s'il sent pas mauvais. Là. Je comprends ça. Donc, alors, c'est ce qui fait qu'on a continué à exister. Dans le temps des anciens Égyptiens, à part faire des pyramides, là, les Égyptiens travaillaient énormément à masquer leur odeur. Alors, eux travaillaient beaucoup là-dessus. Ils ont inventé les bains parfumés. Qui souvent était suivi par l'application de parfum sous l'étui de bras, là, comme on dit. Et les femmes plaçaient des globes de cire parfumée sur leur tête qui fondaient au fur et à mesure que la journée avançait pour dégager le parfum contenu dans la cire. Mais c'était assez dégueulasse. T'avais les cheveux cireux. Très, très gras, ouais. Les anciens Romains et les Grecs. Bon, du côté des Grecs, Homère disait que tous les bons hôtes devaient offrir des bains parfumés aux gens qu'ils recevaient. Ça faisait vraiment partie de leur culture. Tellement le fun. Viens te souper, oh! Tente pas de prendre mon bain. Tout je devais prendre ton bain avec ta visite. Ah. Puis les Romains étaient vraiment fanatiques de tout ce qui était les parfums. Bon, eux-mêmes prenaient des bains parfumés. Ils y trempaient leurs vêtements, même leurs chevaux étaient parfumés. Mon et Dieu. Même leurs animaux domestiques. Donc, les Romains étaient fans. Au Moyen-Âge, là, l'Église est rentrée dans le tas puis a dit que être nu, peu importe où, et ce, même dans le bain, c'était mal. Alors, bon, ça y est. Ils ont arrêté de prendre des bains. Hein? Bonne idée. Donc, pour masquer les odeurs, ils se parfumaient, ceux qui avaient de l'argent, se parfumaient énormément, sinon les autres, ben, vivaient juste avec. Puis, en 1888, le premier déodorant appelé Mom, M-U-M, a été inventé par un Philadelphie, là, quelqu'un en Philadelphie qu'on sait pas trop c'est qui. Là. Puis ça, c'était vraiment une pâte qu'on appliquait sous l'étui de bras, puis ça tenait pas vraiment. Donc, c'était assez chiant à appliquer. Puis là, il y a Everdry qui est arrivé avec le premier anti-perspirant, déodorant, pardon. Donc, en aluminium qui passait à travers les vêtements, qui tachait la peau, c'était vraiment dégueu. En 1950, suivant le stylo à billes, le premier roll-on, BAN, qui ça, a inventé ça, le premier. Ça existe encore. Hein? Le BAN, oui, existe encore. Ça, c'est la compagnie Billy qui fait ça. Ah oui? Ah oui, c'est tout à celui que j'ai vu. Puis Right Guard, ensuite, en aérosol. Saviez-vous qu'au Japon, les fortes odeurs axillaires, là, les odeurs des aisselles, sont une vraie cause d'incapacité à servir dans l'armée? Ah! Et ils peuvent pas être dans l'armée s'ils ont des odeurs corporelles. Ça, puis les pieds plats, hein, même combo. Ça tient pas. Mais comme ils mangent beaucoup de sushis puis de poissons, ça coupe les odeurs corporelles. Ah, parlant de sushi, savais-tu que tu peux te mettre du riz en dessous des bras puis ça absorbe? On appelle ça du risotto. Risotto. Ça, je voulais faire comme jeu de mots, mais finalement, ça, je l'ai mal sorti pas mal. Tu vois, quand tu penses trop. Ouais. Ça fait moins sushi, par exemple. Ça fait plus... risotto. Ça fait sous bras. Ouais, risotto. Sushi. Bon, d'accord. Hein? Ben voilà, c'est ça. T'étais pas mal meilleur que moi, matin. Ben, oh, quand même. C'est parce qu'on a existé à partir de... 7h40, là. Donc, Véronique Mire, on te retrouve dans deux semaines pour la dernière fois, si tu peux. De la session. Si t'as le droit, si t'es apte à, on est là dans deux semaines. Donc. Ben oui, moi je vais être là, c'est certain. Donc, cool. C'est mercredi à 7h30, malade, génial. C'est le fun d'entendre. Oui. Donc, merci. Ça fait plaisir. Nous, on prend une pause au retour. Ça va être le moment de recevoir notre gars de The War. Celui qui sent bon parce qu'il sent fraîchement le boisé qu'il a traversé. Sans les pinettes. Les pinettes. Pas les pinottes! Ah, ok, ben je suis allergique. Non, c'est pas vrai. C'est de retour à la chronique du club plein air QTR avec Charles-Antoine Rioux. Je vais se mettre du bord de pinottes sur les bras. C'est très efficace. Ça, c'est viande et substitut de bras. Elle était bonne, merci. Celle-là! C'est apprécié, merci beaucoup. Fou de découverte. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requiem ce mercredi 15 avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Tu veux ça mettre ton jelly bean dans ta joue? Quoi? Tu veux un jelly bean dans ta joue? Non, j'ai rien dans la bouche. Rien dans la bouche. Au popcorn, là. On a goûté hier Charles-Antoine Rioux. Bonjour. On a goûté hier. On a goûté Charles-Antoine Rioux hier. On a goûté à des jelly beans. Ça goûtait le sapin. Des jelly beans, bref, à différentes saveurs, dont le popcorn. Puis ça reste vraiment longtemps le goût de popcorn. Moi, j'ai fait exprès de t'en donner un autre ce matin. Merci, t'es fait. T'es fait. Il nous reste encore. C'est-tu pour reproduire, genre, l'espèce de la durée, la petite écaille qui reste toujours dans tes dents après que t'aies mangé ce popcorn? Oui, ça peut vraiment. Il aurait dû la rendre plus croquante, c'est genre. Brûlée, là. Mais c'est les meilleurs bouts, les semi-brûlés, pas les noirs qu'elle sait, mais les semi-brûlés. Semi-brûlés. J'aime ça, moi. Non, non. Moi, j'aime les légèrement éclatés. Okay. Ah, ouais. Ah, ça veut dire que pas complètement, il reste un petit bout croquant. Ben non. Ça? Non, c'est genre fraîchement éclaté. Elle veut juste la plus puffy, la plus fond dans la bouche possible. OK. Non, parce lui, que pour vrai, vous êtes deux personnes de texture vraiment différentes. Mais pour vrai, ça se vend, je l'ai vu sur Internet, c'est du popcorn à moitié éclaté et il y a vraiment ça, ça existe. À quoi tu peux te le faire toi-même? Paresseux. Paresseux. Bref, quelqu'un qui n'est pas paresseux, c'est quelqu'un qui va aller dehors, ce qui est encore une fois pas mon cas. Donc on va aller à l'extérieur avec Charles-Antoine Rioux et la chronique du Club plein air QTR. Alors, on se dirige vers la porte. Oui. Et là, on va l'ouvrir. On se visualise. On se visualise. Puis là, on réalise que même si c'est encore oui, une plaque de glace. Fait qu'on glisse. C'est la chronique du Club plein air UQTR. Et Charles-Antoine Rioux qui est avec nous pour une dernière fois. Effectivement, ça va être ma dernière chronique avec vous. Donc, à vie, là? Peut-être pas à vie. Ah. Peut-être qu'il va y avoir des éditions spéciales. Okay. On sait pas avec ça les vieux du Club plein air. Ouais, c'est ça. On va faire des capsules vintage. Mais non, c'est effectivement ma dernière à moi. Donc, avec un petit peu de chance, on va peut-être avoir un autre chroniqueur plein air dès l'automne. On espère. On espère. Pour convaincre quelqu'un pour on ça. On va travailler fort là-dessus. On va s'arranger. Merci. Mais avant de te dire au revoir, on a une dernière chronique pour la route. Une dernière chronique pour la route. Puis effectivement, ça va être une chronique d'inspiration. Parce que le but à la base de ces belles chroniques le matin avec vous, c'est vraiment, c'était de faire connaître le club, évidemment, puis de parler de nos activités, d'avoir une petite fenêtre. Mais c'était aussi de faire réaliser aux gens que le plein air, c'est pas aussi élitiste que ça en a l'air. Non. Parce que l'image que les gens ont souvent du plein air, c'est vraiment, il faut que t'en aies déjà fait pour pouvoir en faire, ce qui est un peu difficile de commencer dans ce temps-là. Ouais. Puis ça prend de l'équipement, ça prend des connaissances, ça prend du gear qui est important parce que sinon tu seras pas bon. Ben, c'est, à mon avis, c'est vraiment tout des préconceptions qui sont fausses. Puis j'espère vraiment qu'au fil du temps, avec les différentes chroniques qu'on a faites avec vous, que les gens ont réalisé que c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir déjà fait. Parce que le plein air, on peut littéralement en faire par nous-mêmes tout le temps, à moindre coût. Aller prendre une marche sur la piste cyclable, c'est du plein air, c'est juste sortir dehors. Puis, t'es pas supposé marcher sur la piste cyclable, t'es supposé marcher sur le trottoir à côté. Ça dépend si c'est une piste multifonctionnelle. Ben ouais, t'as une piste cyclable avec du bois à côté. Ah ouais, ok, je pensais genre Orvis. Ouais, ben si on prend la piste cyclable qui passe sur le campus universitaire, c'est une piste multifonctionnelle. Il n'y a pas de j'aimerais bien ça marcher à côté pour pas être dans le chemin des vélos, à moins que tu veux marcher vraiment dans. Mais dépasser le parc Lambert, à cette heure, il y a comme un deux voies. Ouais. Fait que t'as vraiment les gens qui marchent ou qui joguent, puis t'as de la place pour les vélos, les rollerblades à côté. Fait que tout à fait, on peut respecter les priorités, même hors de la route. Mais il y en a qui la respectent pas quand même, c'est la piste cyclable, comme dans la rue. Tout le monde sait pas conduire, écoute. Ils savent marcher non plus. Mais ça pour dire que c'est facile d'aller dehors, puis ça vaut la peine. Il y a beaucoup de chercheurs. En fait, la diminution du temps qu'on passe dehors avec les âges, avec les décennies, c'est quelque chose qui est rendu, qui est vérifié par les chercheurs aujourd'hui. Ça fait le sujet d'études de beaucoup de recherches. Avant, c'était plus un mode de vie. Hein. Le plein air, c'était pas quelque chose qu'on faisait dans nos loisirs. C'était, on vivait dehors, on vivait de la nature. À la base, on n'avait pas de maison. T'sais. Puis plus ça allait, plus l'humain et les technologies sont développées. Il y avait encore le petit volet plein air extérieur qui était important. Les gens vivaient au rythme des saisons. Et on travailler la terre pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Et plus ça va, plus on regarde la civilisation qui évolue, plus on se rend compte que l'extérieur est mis de côté. C'est comme si la vraie vie, la façon qu'on l'a construite, est faite à l'intérieur. L'extérieur, c'est comme un buffer, une portion transitoire pour passer d'un intérieur à un autre. Ça, c'est pas mal la vie de Mathieu. Ben, c'est la vie de beaucoup de gens, puis c'est pas nécessairement un choix non plus. Hein. C'est souvent des pressions sociales. Oh, c'est le fait. Ben, ça peut l'être aussi. Mais si on fait ce choix-là, c'est souvent parce qu'on n'a pas été exposé à ça étant plus jeune. Puis ça, c'est pas vraiment de la faute. Notre faute, celle de nos parents, pas vraiment blâmer personne. C'est souvent des pressions sociales où la société s'est un peu développée comme ça. Hein. Puis les chercheurs ont. Il y a un concept qui est né il y a quelques années qui s'appelle le déficit nature de cette situation-là. Puis on réalise justement que si on regarde le comportement ou plus le développement psychologique des gens qui n'ont pas accès à la nature aussi, ne serait-ce que trois fois par semaine, 20 minutes, juste pour faire un peu de loisir en plein air, on voit qu'il y a des grosses différences dans le développement de ces gens-là, dans leur bonheur. C'est vrai, c'est directement lié à ça. Et c'est quelque chose que je pense sincèrement qu'il faut qu'on commence à réapprivoiser un peu, de prendre le temps de juste aller dehors un petit peu. Ne serait-ce que prendre une petite marche. Marcher au lieu de prendre la voiture pour aller pisser, c'est pas trop loin. Aller lire un livre de l'extérieur au lieu de rester sur le divan. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de profiter dehors. Et ça, c'est quelque chose qu'on c'est pas quelque chose qui est inné, évidemment. C'est tellement plus facile d'avoir le confort. On est tellement mieux à l'intérieur. Si on s'en sauve pas, tout est bâti pour qu'on soit confortable. Mais c'est quelque chose qui s'apprivoise. C'est pas quelque chose qu'on va avoir de la première. Tu vas pas faire une randonnée pédestre la première fois, tu vas dire waouh, je vais en faire à tous les semaines, je capote. Il y a quand même des inconforts, c'est normal. Faut quand même que ça s'apprivoise un peu, mais c'est à long terme, à force de se dire je vais le faire un petit peu, je vais faire un petit peu, qu'on finit par apprivoiser la chose, par aimer aller jouer dehors. Peut-être commencer à son niveau aussi. Ah oui, tout à fait. Tu vas faire la randonnée pédestre, oui, oui. Puis tu prends celle-là. Tu pars pendant 8 heures de temps, tu pars pour la Mont-Washington. Non, c'est ça. Et là, si tu t'aimeras pas toi, t'aimeras pas des souliers, t'aimeras pas vraiment la nature. T'aimeras plus grand-chose. Non, non, tu vas vouloir retourner en dedans, tu vas faire du coucou. Pleurer en petite boule. C'est ça. Position fétale, ton divan devant. C'est ça. Mais donc ça, c'est une chose. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On peut prendre le temps. Oui, c'est sûr que des fois, ça nécessite un investissement. Puis, qu'est-ce qui est assez ironique dans cette situation-là, c'est que souvent, pour aller faire du vrai plein air, il faut prendre la voiture, donc dépenser de l'essence. C'est les gens qui voient ça un peu comme une façon écologique de vivre. Moi, je pense que j'ai jamais dépensé autant d'essence qu'en allant faire des trips de plein air. Ça, je pense qu'on peut faire la paix avec nous-mêmes pour ça. C'est pas en faisant du plein air qu'on va sauver le monde. Mais ça reste quelque chose qui est accessible à tous, à tous les niveaux. C'est important. Ouais. Si vraiment on sent mal de dépenser de l'essence, je pense qu'on peut se racheter ailleurs aussi. Là. Oui, tout à fait, absolument. Ça, c'est sûr qu'on peut toujours faire des concessions à d'autres places. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est le fameux... Le fameux mythe de l'équipement, que ça te prend vraiment des souliers top-notch, ça te prend l'imperméable de l'année, ça te prend le sac à dos vraiment qui vaut 300$, ça te prend l'équipement pour faire du plein air. Il y en a qui veulent ça pour looker un peu. Oui, effectivement. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il y a aussi des recherches qui ont été faites sur les marques de plein air hyper populaires. Mmh. Puis c'est surprenant à quel point est-ce que la majorité des gens qui achètent ça, c'est pas du monde qui vont en faire. Ben, oui, c'est vrai. Quand on pense, puis là, je veux pas donner de marque ou faire la mauvaise publicité, mais si on pense à des manteaux en particulier, il y en a deux que j'ai en tête, ben c'est quand tu regardes le produit technique, ce pourquoi ça a été conçu, c'est pour des alpinistes ou des gens qui s'en vont en Antarctique. Les gens portent ça ici. Les gens portent ça ici au printemps, à l'extérieur. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on a besoin qu'on va l'acheter. Puis c'est drôle parce qu'une personne qui commence, moi, pour avoir un jour commencé à faire du plein air, puis avoir évolué là-dedans, puis avoir aussi initié des gens, des amis ou carrément des collègues qui ont commencé à travailler avec nous à l'extérieur, il y a comme trois stades dans la vie d'un plein airiste. C'est drôle. Quand tu commences, t'as pas grand-chose, t'as pas grand-chose. Fait que tu vas faire avec qu'est-ce que t'as. Tu vas... J'ai pas les meilleures bottes, mais j'ai ça qui sort un peu de bottes de marche, ça peut faire l'affaire. Ou j'ai pas le meilleur imperméable, mais ça va faire l'affaire pour l'instant. Fait que là, tu commences comme ça, puis là, tu développes un peu de zone de confort, tu découvres. Tu vois, les gens rendus là vont lâcher ou vont dire que c'est pas pour moi, puis vont arrêter d'en faire un peu. Puis là, tu vas commencer à évoluer. Puis plus tu vas en faire, plus tu vas vouloir investir dans ce que tu fais. Là, tu passes au deuxième stade. C'est vraiment le stade d'acquisition. Là, la personne va investir beaucoup d'argent pour avoir l'équipement vraiment de l'heure. Puis plus ça va avec ça, une fois que tout est acheté, une fois que ton besoin, entre guillemets, est comblé, tu vas passer au dernier stade où est-ce que là, c'est drôle parce que moi, je suis vraiment rendu là. J'ai réalisé que tout ce que j'ai acheté me faisait pas vraiment grand-chose parce que à ce que j'avais avant faisait très bien l'affaire. Oui, il y a quelque chose, mettons une paire de bottes, je suis content d'avoir acheté. Il y a quelque chose qui sont quand même indispensables. Mais tout le reste, je m'en sers plus. Ça reste dans mon garde-robe. Puis on dirait qu'on revient à un stade plus minimaliste où est-ce que l'équipement est pas tant important. Tu risques juste, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de le faire. Puis, c'est pas parce que tu as un équipement de meilleure qualité qui te permet de sauver, mettons, du temps ou du poids dans ton sac à dos, tu vas nécessairement avoir plus de plaisir ou être meilleur dans ce que tu fais. As-tu des exemples de trucs que tu as achetés puis que finalement, dans le fond de ton garde-robe? Ah, ouais. Ben, en partant, j'ai trois sacs de couchage différents, trois températures différentes. Puis, je me réalise que je me sers juste d'un intermédiaire entre les deux. Ah, ben oui. Fait que j'ai un sac qui est plus. Qui est en 4 saisons. C'est ça. Oui, j'ai un gros sac d'hiver qui est un moins 35, sac de couchage. Puis, oui, quand je vais m'en servir une fois ou deux ans quand je vais faire du camping, quand ça me tente vraiment, qui fait moins 35, je vais le prendre. J'ai un moins 8 qui est vraiment mon entre-deux. Puis j'ai un zéro pour l'été. Mais l'été, je dors sur mon moins 8. Je rentre pas de neige. Ah, ben l'hiver, oui. Je mets des couches de plus. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Des affaires que t'aurais pu emprunter à d'autres à la place de facile. Oh, ouais, tout à fait. Ou du linge. Le linge, je pense, c'est le meilleur exemple. Du linge de plein air, là, ça coûte cher. Sérieusement, si on prend des textiles qui sont directement liés à ça, tu peux payer 80$ ton t-shirt. Ouais. C'est incroyable. Pour quelque chose que je vais aller scraper après deux trips parce que c'est sûr que je suis dehors puis je vais l'accrocher dans les branches pour le saler puis qu'il sera plus portable en ville. Ben, pourquoi acheter du linge dans un magasin comme ça quand je peux juste aller à Friperie prendre de quoi qui vaut pas. Que je me foute un peu vraiment de briser. Puis si tu fouilles, tu vas en trouver du linge technique dans les friperies. C'est ça qui est drôle. Puis c'est ça aussi l'intérêt. Je veux dire, c'est plate d'aller faire du plein air puis d'avoir peur de briser son linge. Oui, ne pas vouloir salir tes bottes. C'est ça. C'est ça qui est le fun, ça, de se rouler dans la boîte. Oui, ben c'est ce côté qui est un peu thérapeutique, ouais, de jouer avec la saleté. Hein. C'est-à-dire que si on surveille, on pourrait un jour retrouver tes vêtements à toi à friperie. Ah, moi, je pense qu'il y en a même en ce moment à la friperie à Trois-Rivières. Ah, ouais, hein? Même, y a pas à la friperie où? Ah, Kev! Ouais, non. Mais je sais pas où est-ce que ça va, le linge, quand tu le donnes dans les dépôts de linge pour... Les gros bacs rouges? Oui, ou les gros bacs jaunes qu'il y a sur le bord un peu. Ah, jaune, là. Je sais pas où ça va, mais... le nom? Je savais que c'était écrit... Parce que c'était pas des vidanges, là. je me souviens pas laquelle en particulier. Même que j'ai accidentellement déposé un gilet du club de plein air cutaire dans ce bac-là. C'est tellement beau, oui, mais ça se peut vraiment qu'il y a une personne qui trouve ce gilet-là ou qui porte un gilet. Chanceux. Puis qu'il n'y a pas rapport. Ouais. Ah, mais on appelle à toutes les friperies savoir s'ils ont eu ce chandail-là. Fait que là, on va savoir où ton linge est rendu. Mais c'est... Fait quoi, non, on pourrait... Fais-tu d'autres exemples comme ça? Ben oui, certain. Je pense que l'imperméable, ça en est un très très bon aussi. C'est quelque chose, l'imperméable, c'est quelque chose qui est assez spécial, hein, parce que ça a une durée de vie, mais pas, il va s'user à la longue. Fait que t'as comme toujours tendance à vouloir racheter un nouveau quand le tien commence à être plus vraiment bon. Mais le nouveau, il est comme tout raide, fait que t'es moins confortable, fait que tu vas comme remettre l'ancien pendant un bout. Même si tu l'as acheté, il va y avoir une période de transition avec ton ancien, ton nouveau, faut que tu le casses. C'est ça. Ah, c'est bizarre ça. Puis je dois en avoir quatre, là. L'ancien que là que je mets plus du tout, le deuxième que je mets encore une fois de temps en temps, le troisième qui est mon principal qui est cassé, puis le dernier qui est pas encore tout à fait cassé, que je n'aime pas encore tout à fait, qui est vraiment une transition. Et celui que tu mets plus, tu le gardes pour peinturer, j'imagine. Ben ouais, ou quand je sais que ça va vraiment salissant ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est toujours fun d'avoir un petit peu. Je vais de la misère à me débarrasser de mon linge. Genre, d'un coup, je peinturerai. Mais c'est vrai. J'ai comme 40 paires de souliers pour peinturer. Ben oui, c'est ça. Je peinture une fois ou deux ans. Faut faire des choix des fois. Mais au moins, tu vas pouvoir choisir que tes souliers matchent avec la peinture. Ouais, c'est ça. C'est avec la Tu peux voir aussi l'histoire des couleurs que tu as peint au fil des ans. T'sais. Ouais. Tu vois, avec celle-là, une belle histoire. Peint l'appartement, je sais pas trop qui. Monte tes sous. Souvenir. Il y a un attachement émotionnel vraiment envers. Ouais. Je pense que le dernier exemple que je peux donner qui est quand même très très drôle, c'est souvent le stéréotype des Nord-Américains, c'est que la personne dans un couple qui a le plus de souliers, c'est la femme. Le gars va avoir deux paires de souliers, puis la fille va en avoir comme 30 pour chaque occasion différente. Mon père me torche solide. Là. Ah ouais? Non. Ah, qu'il y a des souliers. Incroyable. Ben, moi aussi, c'est l'inverse dans mon couple. Je veux dire, ma copine va avoir 3-4 paires de souliers en comptant les souliers d'hiver et les souliers d'été. Puis moi, je pense que je dois en avoir au moins une quinzaine. C'est juste de différents souliers. J'ai 4 paires de bottes. Mais tu peux juste les mettre dans certaines occasions. Oui, c'est ça. Mais pour chaque... ils ont chacun leur utilité. Ouais. Mais c'est là que... Puis encore là, je pense à tout ça puis je réalise que dans tout ce que j'ai nommé, je pourrais facilement avoir un de chaque. C'est une paire de bottes avec un imperméable puis un sac de couchage puis je serais vraiment bien. Puis c'est ça que je fais. J'utilise juste un de chaque en bout de ligne anyway. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir cet équipement-là pour pouvoir pousser. Même à un niveau professionnel, pour avoir travaillé comme guide pendant plusieurs années, t'as pas besoin d'être équipé, d'être vraiment, d'avoir tout. Oui, ça te prend un minimum. Faut quand même que t'aies l'air professionnel, mais c'est pas nécessaire pour être bon dans ce que tu fais d'investir comme ça. Est-ce que ça se vend bien, ces affaires-là? Mettons, ça se vend très, très bien. Ouais. Si vous voulez commencer, vous voulez pas acheter neuf des sites comme Kijiji, il va en avoir beaucoup. Et il y a même plusieurs groupes Facebook d'achat et de vente de matériel de plein air qu'on peut aller voir. Les gens vont poster souvent. C'est relativement facile. J'irai plus sur Twitter. Sur Facebook. Il y a un site qui s'appelle... Ah, c'est ça. C'est un oiseau aussi, hein, ça fait dehors un peu. Ouais. Je comprends. C'est livre, c'est plus intérieur. Ouais. Thématique. Ouais. Mais il y a aussi un site internet qui s'appelle La Dernière Chasse, qui est spécialisé dans les choses de plein air. Waouh, ça aurait dû être la chasse au courant. Mais donc voilà, c'est assez facile. Tout ça pour dire que j'espère sincèrement que dans notre société en général, on pourrait évoluer un peu plus vers... quelque chose qui est un peu un hybride entre la mode, la vie intérieure et le plein air. Mm-hmm. Puis j'espère vraiment que nos auditeurs ont apprécié les capsules, qui ont appris à ne plus avoir peur des ours, qui ont appris à comment faire caca dans le bois, ça c'est important. Les bases de la vie. Toutes les petites capsules-là étaient un peu pour le faire découvrir qui, d'une façon un peu humoristique, puis toujours en informant qu'il y a moyen que c'est facile, que c'est pas difficile, puis c'est pas retourné à l'âge des hommes de caverne. Dans le fond, le plein air, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment que c'est pas tout le monde. Mais là, il faudrait jumeler les deux. Tu dis qu'il faut apprendre à ne pas avoir peur des ours, ouais, à faire caca dans le bois. Qu'est-ce qui se passe si les deux arrivent en même temps? Bah, qu'il y a un ours qui arrive? Moi, je pense que votre capsule, juste avant moi, a répondu à cette question-là avec l'histoire des odeurs. Ah, ils ont peur de te... Ils ont peur des odeurs, effectivement. Surtout si tu fais... Parce qu'il y a un vieux problème, il y a un vieux problème amérindien qui dit que quand tu veux faire fuir un ours, il faut que tu lances des défécations humaines. Ah, oh. Et, mais là, évidemment, ouais, mais c'est vraiment... n'est pas tout le temps sous la main. Exactement, mais ça c'est le problème. Si tu te fais surprendre par un ours quand t'es en train de faire caca, si tu vas en avoir sous la main, ça va être facile. Mais si tu vas voir que quand, si un jour tu croises un ours, tu vas savoir où en trouver. Hein. Ah, ça va te... sinon, Charles-Antoine, est-ce qu'il y a des activités à venir? Il aurait fallu que tu arrêtes là-dessus, c'était juste parfait. Merci, Charles-Antoine. Au revoir! Oui, on célèbre la fin de session demain soir avec notre dernière activité, juste un peu avant les deux semaines de rush, de folie de fin de session. Demain soir, il y a une sortie d'escalade intérieure au centre Maïcan Aventure, sur le bord de la rivière. C'est un classique de début de fin de session, on en fait souvent deux fois par session. Donc, c'est pas très cher. On a un petit surplus cette session aussi, donc on va payer une grosse portion de la sortie. C'est vraiment pas très dispendieux. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. Tout se passe demain soir entre 7h et 10h. Mm-hmm. Page Facebook, on retrouve en tapant quoi? UQT'AIR. Mm-hmm. Non, il n'y a pas d'apostrophe sur Facebook. UQT'AIR. Non, il accepte pas les noms. C'est ça. C'est pour ça qu'il fallait une page Twitter. Oui, c'est vrai que ça me prendrait une page Twitter. Il faudrait. Je pense que je suis jamais sur Twitter dans ma vie. Non. Faudrait que j'essaie. J'ai essayé deux fois. Puis ça a duré une journée. Plus fun de lire que de participer surtout. Ouais. Et le club ne meurt pas avec mon départ. Non, au contraire, on a une équipe qui, quand même, c'est une équipe qui a un petit peu peur des ondes radiophoniques. Ils sont quand même assez présents et très motivés. Ils vont conserver leurs activités. Peut-être un petit peu durant l'été. Il faut surveiller. Des fois, il y a des gens qui ont à Trois-Rivières qui veulent en organiser. Mais on est de retour à temps plein en septembre prochain. Cool. Tu leur diras que c'est vraiment pas gênant parce qu'on bullshit là, tout le long, nous autres. Là, fait que c'est pas comme ça. C'est juste malaisant au début. On va essayer de les convaincre, puis sinon, je suis sûr qu'il va y avoir une recrue en septembre qui va être motivée pour prendre le flambeau. Bon. Fait qu'est-ce qu'on chante un au revoir à Charles-Antoine Rioux? Genre, on chante-tu, mettons, ce n'est que nos Rioux voir, ou encore ce n'est que Rioux revoir, quelque chose comme ça, genre. Faut vraiment chanter ça. Non, ouais, c'est au revoir. Je comprends l'essence de la chose. Tu le sens quand même dans ton cœur. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que c'était vraiment agréable de faire la radio avec vous pendant ces deux belles années. Qui as-tu eu comme animateur, mettons, à l'émission? Est-ce que tu as vécu la période? Tu as vécu Stéphanie? T'as vécu, oui, Jean-Philippe et toi. Jean-Philippe avant. Est-ce que tu as vécu François-Olivier avant? Il est venu une fois. Okay. Oui, c'est vrai, tu as commencé quand il finissait. Oui, c'est en plein ça. Puis on lui a dit lui aussi au revoir. Quand même, trois générations. Oui, les générations sont très courtes ici, mais quand même. c'est quand même mieux que rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Charles-Antoine. Bonne continuité. C'est très apprécié. Avec un peu de chance, on peut se revoir pour une chronique spéciale. Ça sera pas bête. Ça serait vraiment cool. On se tient au courant, Charles-Antoine. All right. Le club plein air, UQT. Oui. Sui, ça se dit? Feng Shui, Shui. On se quitte avec la chanson de Deux Pouilles en cavale. Pourquoi pas partir en cavale? Voici Grille-Pain. Faire des toasts dans le bois, ça peut. C'est cool, ça? Ouais, peut-être pas avec un grille-pain. Non, sûrement pas avec un grille-pain. Pas électrique, en tout cas. Non. Au moins que t'aies un citron. Tu plugues ça dans un citron. Hein? Chicken swell. Une patate aussi? Non, citron. Moi, sa patate, je connaissais aussi. Ouais? bâtie comme une brique. Mes émotions coulaient dans le béton. Deux pouilles en cavale avec Grippin, que oui, j'ai osé mettre en présence de Stéphanie qui aime pas du tout deux pouilles en cavale. Je le dis à chaque fois, mais je pense pas qu'elle aime ça. Ben, ben. Y'a-tu quelqu'un qui aime ça? Je sais pas. Au retour, la chronique Crackpot TV avec Frédéric Bernard sur l'assemblage requis. La réponse est non à cette question. Fou de diversité. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est mercredi 15 avril. Mm-hmm. Ce qu'on a dit, ce 15 avril, ça veut dire que la moitié du mois est faite. Ouais, ça veut dire qu'il reste l'autre moitié parce qu'on finit le 30 avril. Tout le monde finit le 30 avril, le mois d'avril. Non, mais on est en l'émission, je pense que c'était clair. Non, ouais. C'était pas clair? Oh, oui, mais tout le monde finit quand même le mois d'avril, le 30. Ça, c'est vrai. Il y a 30 jours en avril, janvier, février, mars, avril. C'est un creux. C'est un creux. Comme dans le creux que j'ai comme faim en ce moment. Fait que, t'as faim? J'ai faim. Des jelly beans? Des jelly beans, si t'en as, passe-moi ça. Mais non, j'allais dire que j'avais faim. D'émissions de télé à écouter, genre à me mettre sous là-dedans. Voici Crackpot TV. Salut Frédéric Bernard, salut! Bon matin Mathieu, ça bon va bien? Matin. Attaque-moi pas comme ça. Non, mais tu sais, en fait, si j'avais voulu, on aurait pu se lancer des jelly beans en studio. On n'a pas offert aucun jelly bean à aucun chroniqueur jusqu'à maintenant. Faudrait qu'on fasse au moins un jelly bean par chroniqueur comme cadeau. Mais je pense que là, depuis que Steph a mis la main sur le sac, elle veut plus les laisser partir. Ben voyons donc, je l'ai remis dans le panier, là, je touche plus. Donc, Frédéric Bernard, qu'on reçoit pour Crackpot TV chaque semaine, et on se fait suggérer une série qui nous rajoute du travail communautaire jusqu'à temps qu'on puisse écouler ce backstory de série télé. Exactement. Moi, je veux que ce soit impossible pour vous de passer au travers, pour qu'on me rappelle l'année prochaine, pour que je reparle des mêmes séries qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Fantastique. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Je veux même pas regarder ta feuille des fois que je vais le nom de loin. Mais là, il va te le dire dans deux secondes. Non, je veux ça jusqu'au début de la chronique. Oui, c'est correct, ça. Donne des indices. Aimes-tu ABC? J'aime ABC. La chaîne. Le réseau, oui. Oui, c'est ça. Là, eux ont diffusé Agent of S.H.I.E.L.D., ouais. Castle. Je me suis surpris à pas m'écouter tant que ça d'émissions sur ABC, personnellement. Je pensais que j'en écoutais plus que ça. Ils ont beaucoup de séries à la Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, des trucs qui sont typiquement, entre guillemets, c'est typiquement féminin d'habitude, les séries sur ABC. Il y a aussi beaucoup de sitcoms, les Modern Family, c'est là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a du. Il y a Castle, comme j'ai dit. Il ouais. Y a des séries. Il y a quand même des gros boulets, mais que je pourrais dire assez familial. Oui, c'est ça. C'est tout le temps très familial. Et c'est une série de sur ABC que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, je vais vous, si j'ai le temps, je vais vous parler de deux séries. OK. Alors, aujourd'hui, parce que c'est deux séries qui s'entremêlent. Une qui est très connue et une qui est très peu connue. Mais les deux sont sur ABC, les deux s'entremêlent. Bon. Alors, t'as-tu deviné de quoi je veux parler? Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, je vais vous parler de... Je vais te laisser le prononcer en anglais, je vais le prononcer en français. Okay. Je vais vous parler des Étranges Voisins pour la version du Québec et... The Neighbors. Pour la version américaine. Alors, je sais pas si vous connaissez ça. Oui, ça passe à Z, si je me trompe pas. Exactement. Ah, ouais, OK. Alors, ça peut vous donner avec un peu... Lui, il connaît les postes en anglais, moi, je connais les postes en français. C'est ouais, les postes québécois. Mais j'avoue que depuis que j'ai plus le câble, c'est plus difficile pour moi d'être au courant des séries. Je veux voir quand même les previews, les bandes annonces lorsque, lorsqu'elles sortent au mois de mai. Habituellement, les nouvelles séries sont annoncées au mois de mai. Mais j'avoue que celle-là m'a passé outre. Mais oui, Z a acheté les droits de diffusion de cette série-là. Et ça va très bien avec le créneau de Z. Alors, je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Oui, oui, c'est spécial. Spécial. J'ai fait ça le dit dans le nom, là. C'est étrange. Étrange. Ouais. C'est très étrange. J'ai fait écouter ça. Pour être honnête, hier soir, j'avais pas trouvé encore la série que je voulais parler. J'avais une idée, à peu près. Puis je suis tombé là-dessus, puis j'ai complètement changé de cap. J'ai décidé, je vais parler de cette série-là. Puis j'en ai fait écouter un épisode à ma blonde. Il a fait, c'était étrange. C'était bizarre. Ça vaut le coup d'écouter au moins un épisode pour vous rendre compte de... Le premier épisode, vous allez trouver ça bizarre. On en écoute au moins deux, c'est ça que tu faisais? Au moins deux. Le premier pour vraiment, le choc doit passer. Puis le deuxième, faire, j'accepte ce qu'on est en train de me raconter. J'embarque. Alors, année de production 2012. C'est une idée originale de Dan Fogelman. Fogliott. C'est pas lui qui écrivait à la presse, Fogliott. Fogliott. C'est Dan Fogelman, exactement, oui. Donc, avec des... J'ai trouvé comme drôle à délai. acteur vedette, on a Lenny Venito, Simone Templeman. Hey, j'ai de la misère avec les noms aujourd'hui. Simone Templeman. Alors, beaucoup d'acteurs qui reviennent de New York Police. Alors, une série qui a été quand même bien connue aux États-Unis, mais qui était vraiment une série, un peu passe-partout aussi. Si je me rappelle bien de New York Police en français, c'est ce qu'on appelle aussi La Loi et l'Ordre. Oui, aussi. La Loi et l'Ordre, c'est pas Law and Order. Ouais, non, je sais, mais en France, c'est New York Police Judiciaire, j'entends. Ah, d'accord. Ouais, ça se peut-tu que La Loi et l'Ordre et il y a une série de La Loi et l'Ordre crime sexuel? Oui, sauf qu'en français, ça s'appelle pas pareil. C'est parce qu'en France, pas au Québec, on pas les mêmes noms. Non, pour vrai, là. Pour vrai. T'as une série qui s'appelle New York Police Judiciaire ou New York District, qui est La Loi et l'Ordre, et au Québec, on l'appelle La Loi et l'Ordre. Fait que c'est peut-être pas celle-là, mais c'est dans ce genre de série-là. Qui ont tous des noms n'importe comment en France. N'importe comment. Même les séries qui sont supposées aller ensemble, qui font partie du même monde, n'ont pas les mêmes noms. Ben, en France, les étranges voisins, c'est au Québec, on l'a traduit, parce qu'en France, ça s'appelle The Neighbors. The Neighbors. Alors, je fais le résumé de ce pas pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que c'est. Je trouve le résumé rend pas hommage au style de série, fait que je vais vous en parler plus en détail après. Là. Alors, les Weaver, une famille bien ordinaire, déménage dans une banlieue tranquille, Eden Heights. Tout semble normal jusqu'à ce qu'ils découvrent que les résidents de cette banlieue paradisiaque est en fait habitée par des extraterrestres. Parfaitement inadaptés, leurs nouveaux amis profiteront des Weaver pour apprendre le mode de fonctionnement des humains. Pour passer inaperçus, ces extraterrestres habillent comme des golfeurs, conduisent des cartes de golf et portent des noms d'athlètes. C'est ainsi que d'un épisode à l'autre, nous découvrons ces étranges personnages confrontés à un monde qu'ils ne connaissent visiblement pas ou très mal et que nous profiterons des calembours de ces derniers et de leurs gaffes pour notre propre plaisir. Ah. Donc, oui, très court résumé. C'est cool. Je pense que c'est mon plus court. Ah, en effet, ouais, ça je peux te confirmer. Donc, oui, vraiment, alors on est vraiment dans une banlieue. C'est très propre comme milieu. Tout le monde est habillé pareil. Et on découvre finalement que c'est des extraterrestres, toute la banlieue, et que juste les Weaver qui sont des humains. Et que ces extraterrestres-là sont vraiment, comme j'ai dit, très inadaptés. Alors, ils pensent connaître notre monde, mais ils ne le connaissent pas. Alors, ils ont pris des noms, ils ont en fait, comme ils disent dans l'émission, ils ont fait une recherche Google sur les humains pour découvrir des noms de célébrités, d'athlètes, et ils ont décidé de prendre ces noms-là pour passer inaperçus parce qu'ils pensent que c'est des noms qui sont communs, justement. Normaux, c'est ça. Donc, on va se retrouver avec la famille, avec le faut savoir aussi que la famille, ont pris une apparence humaine, mais qui ne va pas nécessairement avec leur apparence extraterrestre. Oui. Donc, on a une famille multi-ethnique. Alors, on a un Asiatique qui s'appelle Reggie Jackson. On a Larry Bird, qui ressemble vraiment à un nerd, mais fini. Et on a Dick Buckles, qui est un petit enfant très chétif. Alors, Dick Buckles, qui est un footballeur. Ouais, c'est ça. Ouais, Reggie Jackson, c'est lequel, ça? Reggie Jackson, c'est un basketteur, si okay, je ne me trompe pas. Il peut faire une recherche. Je te laisse faire la recherche. Ah, c'est bon. Tu t'occupes des recherches. Ah, okay, merci. Donc, alors on se retrouve vraiment dans ce monde-là, dans cet univers-là qui a été parfaitement créé, qui est parfaitement artificiel. Alors, une banlieue qui se veut très américaine, justement, pour passer inaperçue, mais qui est finalement très, très peu américaine et qui passe zéro inaperçue. Donc, on le voit très bien que c'est louche comme endroit. Il n'y a personne qui conduit d'auto parce qu'ils ne savent pas conduire d'auto. On se retrouve... Il y avait juste à faire une recherche Google, puis il leur a appris. Comment conduire? Ben, il y a un épisode où ils apprennent comment conduire. Et c'est assez catastrophique. Ah, c'est magnifique. Jackson, c'est un joueur de baseball. Ah, c'est de baseball. Ah, bon, baseball. Je me suis trompé. Ouais. C'est mon côté non sportif. Ben, je te comprends, non? Mon Dieu, on, hein? Une chance, on est gros. Une chance, je t'ai dit de faire une recherche. Hein? Bon. Le basket. Ouais, les auditeurs n'auraient pas compris. Ouais, le basket. Ouais, c'est important, ça. Ça va me faire aimer la série. Oui, oui, effectivement. Bon, voilà, ben, j'avais fait. C'est con, là, et je sais pas si la comparaison est bonne parce que j'ai pas regardé The Neighbors, mais ça me fait beaucoup penser à la sitcom Third Rock from the Sun, troisième planète après le soleil des années 90, qui était un peu le même genre, mais version sitcom. Oui, ça me dit. Des extraterrestres venaient sur Terre et qu'on connaissait pas et apprenaient à peu près toutes les affaires que tu mentionnes là. Ça va être le même genre de choses et j'aimais beaucoup Third Rock, donc sûrement j'aimerais beaucoup ça. Il y a une série aussi qui passait à vague, qui était vraiment beaucoup plus enfantin, qui était un peu dans la même idée. C'était deux parents extraterrestres qui arrivaient puis qui adoptait deux enfants, mais je me rappelle vraiment plus du nom. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tes désirs sont des ordres, mais ça, c'est un dessin animé. Ça n'a pas rapport du tout. J'essaie de penser à des parents, disons. Mais oui, donc vraiment, on va se retrouver, oui, c'est ça, effectivement. Alors, des extraterrestres qui vont se retrouver là, mais vraiment, eux vont demander aux Weaver d'être leur ami, littéralement, pour vraiment découvrir notre monde au fur et à mesure. Ils vont profiter de plusieurs gags dedans. Les extraterrestres veulent être très puissants. Ça donne, au contraire de certaines séries où on va trouver des extraterrestres qui sont juste une série qu'on veut drôle, que les extraterrestres sont juste niaiseux, comme on pourrait dire, qui sont juste, oui, sont parfaitement inadaptés, mais sont naïfs, niaiseux, puis ils se laissent aller. Ici, ils sont convaincus qu'ils sont très puissants et qu'ils vont dominer le monde. Mais ils sont, en fait, ils ont des... Pour faire vieillir les légumes, ils ont un fusil pour ça. Donc, il y a des effets spéciaux aussi, s'ils tirent avec des fusils sur des légumes. Il y a certains effets spéciaux, mais c'est ABC. Donc, on n'a pas vraiment les effets spéciaux comme on va retrouver sur des chaînes comme HBO. Là, ça, ils mettent des budgets d'effets spéciaux sur les séries à très, très énorme succès à la Lost dans le passé. Agent of Shield. C'est ça. Ces séries-là vont en prendre plus des effets spéciaux. Hey, c'est mal dit, ça. Répète-moi ça. Je vais faire comme si je t'écoutais pas cette fois. Ces séries-là vont avoir beaucoup plus d'effets spéciaux que la série Étrange Voisin, où les effets spéciaux, des fois, sont un peu... On sent que c'est arrangé par le gars en arrière. Ouais. On sent des fois que c'est un peu fabriqué. Marionnette, quasiment un peu. Oui, je me rappelle qu'il y a une sphère de connaissances un peu floue, cet épisode-là, parce qu'il y a quand même... Je l'ai pas dit, mais il y a 22 épisodes par saison. Est-ce que c'est des heures ou des demi-heures? C'est des demi-heures. Okay. Alors, ça veut vraiment une sitcom qui s'écoute là, épisode par épisode. Alors, c'est séparément. Et il y a deux saisons de cette série-là en ce moment. La deuxième est en train d'être diffusée en France. Et je sais qu'il y a un épisode, on parlait des effets spéciaux, où il y a une sorte de sphère de connaissance où il s'accroche dessus. Mais vraiment, on a l'impression que c'est quelqu'un avec sa lampe de poche qui est en train de flasher à côté. Puis eux qui exagèrent beaucoup trop leur réaction. Mais si c'est kitsch, ça peut être drôle, ça. Oui, mais c'est ça. Ouais. Les extraterrestres réagissent vraiment énormément à leur réaction, comme si on veut faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Puis les Weaver nous représentent vraiment beaucoup parce qu'eux ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et on zéro réaction durant cette scène-là. Ouais. Alors, ils font juste suivre la vague. Alors... C'est le format, tu me disais, c'est le format sitcom, mais ça doit pas être un format sitcom multicam, plus simple caméra, ou dans le sens où t'as pas de public et t'es filmé dans pas le de vrai monde? Pas de si public, il y a plusieurs caméras, justement. Okay. On n'a pas de rire en canne non plus dans cette série-là. Alors, mais chaque épisode, tu écoutes séparément, il n'y a pas de suivi tant à faire. Certaines choses qui vont revenir, des histoires, là, entre autres, certaines histoires d'amour entre les extraterrestres qui sont louches, très louches, très très louches, quelques histoires qu'on va reprendre d'épisodes précédents, mais rien qui fait qu'une personne qui arrivera en plein milieu de la série serait perdue. C'est vraiment une petite série qui s'écoute bien entre deux grosses séries. Ouais. Moi, on parlait d'ABC tantôt et moi, je trouve ça très important, le diffuseur, parce que c'est dans leur choix de série. J'ai tendance à pas aimer les comédies depuis quelques années. C'est les Modern Family, j'ai jamais trouvé ça drôle. et j'ai écouté récemment toutes leurs séries, leurs sitcoms sont toutes dos à dos. Je me rappelle pas si c'est le mercredi soir ou peu importe, là, mais il y avait The Middle et d'autres séries comme ça qui jouaient. Et j'ai trouvé que c'était tellement du facile sur ABC en ce moment que j'ai hâte de voir si The Neighbors va à un niveau plus haut que The Middle et Modern Family. Mais je vous dirais pas que c'est pas l'humour le plus recherché, c'est un humour original, mais peut-être pas l'humour le plus intelligent à tous les moments. Okay, okay, okay. C'est vraiment, on veut être on est parfois dans le gros gag gras. C'est du grand public. C'est du grand public, ouais. Mais c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas vulgaire, okay, comme style d'humour. C'est un humour, ben c'est ça, c'est familial. Très grand public. Ouais. C'est très familial. C'est pas un humour qui va être très sélectif ou très élitiste dans leur sujet. C'est des sujets un peu de tous les jours. Alors, bon, s'adapter à une nouvelle famille, l'adoption, parce qu'ils vont décider d'adopter leur propre enfant à un moment donné. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est vraiment... Cette série-là se veut vraiment être une série qui est, à la base, bizarre. Alors qu'on écoute au début... qu'on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est un peu surréaliste qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter. Mm-hmm. Comme j'ai dit à ma blonde hier, je lui ai dit cette série-là, il y a des séries où faut que tu te mettes à off et il y a cette série-là qui va encore plus loin. Ouais. Alors, faut pas que tu te mettes à off, faut vraiment que t'acceptes. T'acceptes, tu poses pas de questions, tu te laisses aller avec ça. J'irai tout de suite de mon avis. Alors, je veux parler vite de l'autre série. L'autre série, je vais sans doute faire un peu plus un survol. C'est une série qui est beaucoup plus connue. Okay. Donc, point positif, ben, c'est très surprenant. Non répétitif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, on pourrait croire que le sujet des extraterrestres qui arrivent sur la Terre, qui découvrent notre planète, pourrait tourner en rond au bout d'un moment. Finalement, non, je trouve que c'est non répétitif en tant que tel. Il y a vraiment une évolution. Au début, les personnages, bon, l'extraterrestre en chef, n'aime pas vraiment les Weaver, veut les dominer, puis finalement dans la saison 2, ben, ils acceptent, puis ils acceptent d'être avec eux, puis d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, ce qui crée bon, d'autres accidents sur la Terre. Pas de rire en canne, moi c'est un énorme plus. Ah oui, ok. Je suis pas capable. Rire en canne, j'ai jamais écouté aucune série avec rires en canne parce que je suis. Ouais, j'imagine que ça vient de C'est ça dépend de ce que tu as écouté dans ton passé. T'sais, moi, les rires en canne, peut-être pas nécessairement en canne, mais devant le public, je trouve que ça ajoute de l'énergie aux acteurs par moment. Ouais, ben, peut-être devant le public, oui. Mais des How I Met Your Mother, non. Ouais. J'ai pas été. Ouais. Je suis désolé. Ça arrive. Je les entends même plus. Non, c'est ça. C'est ce que tout le monde me dit, qu'au bout d'un moment, on les entend plus, mais j'ai écouté les trois premières saisons de How I Met. J'ai écouté la première saison de The Big Bang Theory. Ouais. Puis non, je les entends encore, je suis pas capable. Ça m'irrite, là, je deviens agressif, puis les gens veulent que j'arrête des morts d'après. Donc, j'écoute pas les séries avec des rires. Je peux comprendre. Pour conclure cette série-là, moi, je voudrais te revenir sur... l'émission à VRAC TV. Oui, puis, j'ai vu que t'avais des images. Mes parents cosmiques. Oui. Hein, c'est quoi ça? Puis on dirait que ça... sont, je sais pas, il y a comme My parents are aliens. Ouais, il y a comme un petit look 70, fin 60, début 70. Mais c'est clairement de très récent, je crois, comme production, mais sûrement avec un look oui, rétro. Oui, ben, hein, récent. C'est non, pas si ça, récent. Ça passait quand moi, j'étais jeune. Ça passait version originale de 99 à 2006. OK. Ah ben, fait quand que... même, c'est plus vieux que j'aurais cru, même. Moi, ouais, ça me dirait. Il y a quand même 8 saisons. Hein? Ça, oh, c'est... j'ai pas vu 8 saisons. Voyons, je pensais que c'était annulé. Comment j'ai fait pour manquer ça? C'est bizarre. Ah non, mais c'était... Non, mais j'étais au courant pour toutes les discussions. C'était VRAC TV. Ouais, c'est ça. Donc, The Neighbors, avis final? Oui, ben dans les petits négatifs vite avant la cote, ben c'est un humour bon, que j'ai dit qui est sélectif. Alors, je comprendrais parfaitement que quelqu'un n'accroche pas du tout, que ce soit un humour qui soit trop absurde. Ouais. Ou un humour qui est justement, bon, pas plus... qui va pas plus loin que ça à certains moments. C'est un humour qui va rester très beau à certains moments. Côté négatif, et c'est là pourquoi je parle d'une autre série, elle a été annulée par ABC. Le punch! Hein, oui. Après deux saisons, ce qui est quand même plus que oui, les émissions sur ABC. J'ai essayé de chercher pourquoi, mais ça s'est fait très vite. Okay. Il y a eu, c'est la même année, en 4 mois, il y a eu une annonce pour les séries, il y a eu ils ont refait les budgets pour le salaire des acteurs, et... en mars 2014. ABC a annoncé que c'était annulé. Et en même temps, ça a été racheté par des chaînes comme Z et des chaînes en France. Alors, ça coûte moins cher une fois que la série est retirée. Ben, c'est ça qui arrive probablement. Puis en France, en ce moment, ils sont en train de diffuser la saison 2. Sur Z, on est en train d'avoir la saison 2 aussi. Donc, c'est une série qui est annulée, mais qui est encore en train de sur les marchés internationaux. Ouais, c'est ça, en train de se traduire. Fait qu'on l'a au complet, cette série-là. Mais c'est ça, je trouve ça quand même dommage qu'elle ait été annulée, mais je pourrais comprendre. Oh, la série suivante. négatif, je dis des fois c'est lourd, ça revient un peu avec l'humour. Les personnages de la fille. Il y a un personnage qui s'appelle Amber Weaver. Pas grave. vous l'écouterez, c'est un personnage qui est bête comme ses pieds, qui veut être l'ado typique, très bête avec ses parents. Pas capable. Moi, c'est ces personnages-là. Note finale, c'est un beau papier cadeau. Ah! Ouais, c'est bien. Décoratif. Ouais. C'est pour le bruit. Une fois qu'il est enlevé, tu t'en fous parce que tu regardes qu'en dessous. C'est ça. Mais c'est ça. Tu veux pas le garder, tu veux pas garder le papier, mettons, pour plus tard, pour te rappeler du cadeau. Ouais, il y en a peut-être qui vont le. Moi, ma mère, elle les garde. Ah oui? Elle les réutilise ou c'est juste pour le souvenir? Non, je sais même pas où qu'elle met ça parce qu'on les revoit plus. Pour moi, les manches. C'est une autre génération, hein. Ouais, c'est ça. Oui, moi, je garde pas ça. Mais tu vois, si cette série-là était mauvaise, à la place de dire Weaver, tu pourrais dire Cushmarter. You know, comme River, comme Weaver. Ouais. Mais non, c'est une bonne série. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Tu me dis que t'aimais pas Modern Family. Je pense pas que c'est une série qui s'adresse à toi. Non. En tant que tel. Mais par contre, sur ABC, à côté de Modern Family et de The Middle, que j'ai dit tantôt, les mercredis soirs, c'était en effet les mercredis soirs. L'autre série, c'est The Goldberg, qui se passe dans les années 80. Oui, il faut que je m'intéresse. C'est quand même pas pire, ça. C'est pas faudrait que je regarde, mais c'est comme je disais, ABC, c'est eux qui produisent aussi Gallivant. Oui. Alors, que moi, ça, 3-4 épisodes, ça va les retirer, c'est sûr. Ah, ça peut pas marcher. Non, brise pas mon rêve. Pas. Mais je suis sûr. J'aime ça. Moi. Je trouve ça bon. Je vais attendre que ça finisse, ça va l'écouter. Oui, c'est ça. Mais non, mais. Expliquer aux gens, c'est quoi, peut-être? La série musicale dont on a parlé il y a peut-être un mois. Oui, on en a parlé, oui, ça fait un petit bout. Là. Oui, j'en ai parlé dans un blitz vite, dans les séries au concept un peu étrange. C'est une série à comédie musicale. Oh! On avait écouté la chanson et tout ça. Ouais. C'est un peu. Ok, ben des mois, c'est ça. Des fois, mon cerveau fait son tri. C'est comme du Broadway. Comédie musicale, et garde pas ça. Ouais, exact. Donc, deuxième série. Deuxième série, alors... oui, on a le temps. On a le temps. Donc, deuxième série, alors, aussi sur ABC, on va aussi parler de famille. Non. On va parler de Modern Family. Modern Family, alors une série qui a été qui est plus connue. Je pense que c'est pour ça, dans le fond, que la série Nos étranges voisins a été annulée. Ouais. Ben, en fait, ça doit être une des raisons. On a les deux séries qui étaient un à côté de l'autre. L'autre, Nos étranges voisins, a commencé en 2012. Modern Family, ça a commencé en 2009. C'est quand même un laps de temps. Ça commence à être vieux, Modern Family, quand même. Oui, il commence à avoir pas mal d'épisodes, Modern Family. Ouais. Donc, je pense que Modern Family a un peu été chercher le public que les voisins pouvaient viser avec l'humour familial, on veut parler de la famille, tout. Fait que tout le long, vu que tu me dis que t'aimais pas ça, je vais regarder Steph. Je sais pas si ça va être plus vendant pour être. Ben écoute, déjà que moi, mes étranges voisins, c'était un flop total dans mes goûts. Je pense pas que je vais être plus attiré par Modern Family. C'est un autre genre. C'est vraiment du genre, je trouve, ça s'apparente vraiment, le mot est juste dans « s'apparente », mais tu sais, c'est un peu les parents. Pas que les parents, c'est mauvais, vraiment pas ce genre-là, mais c'est que c'est fait pour être le plus familial et le plus accessible possible pour le plus de gens possible. Quoique les parents, on a vraiment une série où, oui, on va parler encore du même sujet. C'est un sujet qui est très populaire en ce moment, surtout dans les séries aux effets comiques. Et c'est des séries qui marchent, qu'on veut ou pas. On a Les Parents, qui est un excellent exemple. C'est universel, en plus, Les Parents. Exact. Tout le monde a de la famille ailleurs. Et Modern Family, la grosse différence, je trouve, bon, on comparait avec Les Parents. Les Parents, on va avoir le sketch, le gag, le sketch, le gag. Modern Family, on a vraiment un épisode complet qu'on va avoir un sujet sur lequel on va travailler. Là-dedans, l'originalité de cette série-là, c'est vraiment d'apporter vraiment la famille moderne. Alors vraiment, les familles nucléaires, les familles recomposées, ces familles-là qui aujourd'hui ne sont plus aussi tabous qu'elles étaient par le passé, et d'inclure ces familles-là à des problématiques que des des familles par le passé ont vécu qui sont très ordinaires finalement, qui étaient peu originales, mais qui à cause de cette nucléarité là, ça se dit-tu, de cette famille-là. On va dire. On va dire. Je trouvais ça beau. Ça sonnait bien dans ma tête. Ça se dit. Ici, ça se dit. Ici, Radio-Canada. On réinvente la. Donc vraiment, c'est va apporter un nouvel univers, une originalité dans le fait de traiter le sujet. Donc, produit en 2009, idée originale Christopher Lord, Steven Levington, acteur vedette. Que tu veux que je t'aide? Ed O'Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Jess Tyler Ferguson, Ariel Witter, Sofia Vergara. Merci. Eric, l'actrice la plus payée d'Hollywood. J'ai dit que j'allais l'abandonner. Stone Street. Nolan Gould. Donc voilà, c'est la famille au complet. Ouais. Ça ressemble beaucoup. C'est que c'est beaucoup de familles. C'est l'idée, c'est qu'il y a plusieurs familles dans différentes maisons et qui vont interagir ensemble. Je peux lire le résumé, ça va donner vraiment une idée concrète de ce que c'est, puis en parler ensuite. Les familles des années 2000 ont vu apparaître le phénomène des familles recomposées nucléaires. Un grand gouffre sépare la vision et ce qu'est une famille en 90 de ce qu'est une famille aujourd'hui. Modern Family rend hommage aux familles nouveau genre. Alors que Claire et Phil vivent une histoire en apparence ordinaire avec leurs trois enfants, la famille modèle, en quelque sorte, le frère de Claire décide, lui et son partenaire, d'adopter une Vietnamienne. Leur père, un peu vieux jeu et ayant quelques réticences à parler de l'homosexualité de son fils, se marie pour une deuxième fois avec une jeune femme qui a l'âge de ses enfants et qui est mère d'un enfant d'environ 12 ans. Cette joyeuse bande confronteront leurs idées, mettront en lumière des tabous et vivront ce que de nombreuses familles vivent aujourd'hui. Une presque parodie des familles modernes des États-Unis, cette série maintes fois acclamée sera vous faire découvrir avec subtilité et humour un côté parfois caché des familles d'aujourd'hui. Oui, ça décrit très très bien l'émission. C'est vrai que c'est très gagnant de prix. En effet, les gens vraiment gagnent beaucoup de prix. Ça, c'est un fait. Là, c'est vraiment. Fait. J'ai été sur. Je voulais parler des prix qu'ils ont gagnés, mais ils ont tellement d'Emmy Awards différents qu'ils ont gagné que j'ai fait. Ben, ils ont gagné plusieurs Emmy Awards. j'ai coupé quoi. Beaucoup de prix Emmy ont été émis en leur nom maintenant. Oui, exactement. Merci, non. Devrait faire des claps en canne. Ouais, hein. On devrait enregistrer le public qui applaudit à la lutte, puis ramener ça ici là, bon. Quand tu fais une blague. Tu donnes le bouton à Steph, comme ça on sait que ça sera pas abusé. Ah, il est brisé. Je l'ai été réutilisé. Donc, Modern Family, on a dit, c'est 2009, c'est pas jeune. 6 saisons, 24 épisodes par saison. Chaque épisode, c'est 30 minutes. Ouais. Ça continue de jouer encore. Oui, et tellement que ça continue de jouer, que ça a tellement de succès, qu'une fois que l'émission dépasse les 100 épisodes aux États-Unis, on va sûrement aller en syndication. Et l'émission joue 5 soirs semaine sur les grandes chaînes en ce moment. Ça joue des fois 2 épisodes de suite, si tu veux écouter ça. Oui. T'embarques à n'importe quel moment de la série, t'as aucun problème, parce que c'est juste l'histoire des familles. Non, ça se fait pas. Ah non, je sais, mais c'est pas le genre de série, à moins que je me trompe, là, c'est pas le genre de série que ça dérange bien que t'écoutes un épisode. Ça dérange pas beaucoup, mais un peu comme Les Voisins, on va avoir quelques références à des épisodes précédents. Mais c'est une série vraiment qui veut avoir un épisode, son sujet. C'est quand même... Le sujet est pas rentré. J'ai certaines séries, puis souvent je trouve que c'est le défaut de des séries de ce genre-là. Tu me contrediras parce que avec plaisir. Vas-y. Je trouve pas que c'est un sujet. Quand on prend un sujet dans chaque épisode, on n'essaye pas de nous le rentrer dans la gorge. Non. Alors on n'essaye pas de nous dire, ben voilà, ça va être je vous ai dit, il y a une Vietnamienne qui est adoptée là-dedans. Bon, on va parler des familles qui adoptent. Alors du mariage gay. Puis tout le long, ben ça va être autour du mariage gay. Non, on va avoir des choses qui vont se construire autour. Mais vraiment, on va s'attarder un petit peu plus au mariage gay alors dans cet épisode-là. Donc, c'est une série qui est très subtile à ce niveau-là. Une série très originale au niveau de la façon d'apporter le sujet parce que c'est parler directement à la caméra. Ouais. Alors, chaque acteur est pris comme s'ils étaient dans une entrevue. Un documentaire, un peu à la The Office, mettons. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oh, déjà, ça vient de m'éteindre. Vraiment. Donc, oui, c'est quand même un bon exemple, The Office. Mais il va parler directement à la caméra, un peu comme faisaient aussi les Invincibles en quelque sorte, sauf que là on veut vraiment être dans l'humour, on va utiliser ce concept-là pour faire de l'humour à ce moment-là. Bon, dans le fond, je trouve que c'est une série. Bon, moi, personnellement, c'est aussi une série qui passe partout. Oui. C'est une série, moi, ça a été un coup de cœur, moi, contrairement à toi, machin. Moi, j'ai adoré cette série-là. Moi, vraiment, c'est au niveau humour, j'avais Scrub que j'avais beaucoup aimé. Je suis très difficile en série humour de ce genre-là. Scrub, j'avais énormément aimé. Ça reste, selon moi, indétrônable. Modern Family, pour moi, c'est aussi une série que j'ai beaucoup aimée parce qu'il n'y a pas de rire en canne. Ben, c'est ça. Mais t'es pas le seul. Faut la mettre. T'es vraiment pas le seul à aimer ça. J'entends beaucoup de bons commentaires et ça joue à Télé-Québec en français pour ceux que ça pourrait intéresser. Mm-hmm. Donc, une famille moderne, je crois, en français. Oui, oui, oui. C'est très réputé. C'est dans les séries les plus regardées aux États-Unis en ce moment, côté comédie. Donc, je pense que, en effet, je suis peut-être dans la minorité. Mais vraiment, c'est une série qui. Paraît pas en apparence, même après avoir écouté des épisodes, on parle de sujets assez difficiles dedans. Quand je vous disais, il y a un couple homosexuel là-dedans, il y a des sujets qui sont pas tabous, mais des sujets qu'on n'entend pas tant aborder d'une famille. Puis c'est pas la famille homosexuelle, on va pas le dire, ben ils ne sont que ça. Ouais. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il y a un épisode où justement, il y en a un, il y a de la difficulté avec son travail, il néglige un peu plus sa vie familiale, mais on va utiliser ce couple-là au lieu d'utiliser le couple qui est un peu plus typique, finalement. Ouais. Donc c'est très original à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et l'écriture, personnellement, je trouve que c'est une écriture qui est assez intelligente pour apporter des sujets comme ça. On va parler, le père là-dedans qui sort avec une fille qui a... C'est Ed O'Neill. Ouais, c'est pas Ed O'Neill. L'acteur principal, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est pas l'acteur c'est principal, ensemble, mais c'est ouais. Vraiment l'acteur probablement qui a la plus longue carrière. C'est plus connu, c'est lui qui jouait dans Marié à deux enfants dans les années 90. Oui, exactement. Mais vraiment, lui qui va sortir avec une fille qui a l'âge de ses enfants, aussi, c'est un sujet en tant que tel qu'on n'aborde pas souvent, qui est abordé quand même avec intelligence. Et subtilité, sans vouloir nous rentrer dans la gorge. J'aurais donné une chance de plus, j'avoue, que peut-être que je suis repoussé parce que ça appogne tellement. Des fois, je suis un petit peu repoussé par les grands succès. Mais non, peut-être que je devrais donner une chance de plus. Ah, mais selon j'aime moi, les acteurs ça. Oui, c'est ouais. Ça, les acteurs sont excellents. La famille qui est typique, et finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas si typique que ça, que chaque famille est unique en tant que telle. Il y a vraiment des beaux passages, des passages peut-être un peu plus gnagnants, mais en même temps, on veut pas trop tomber là-dedans. Ouais. Fait que c'est je trouve ça très intelligent comment c'est fait. Ce sera pas comme une série un peu comme New Girls, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est mauvais, oui. Ah, ça c'est pas bon. New Girls, on a vraiment le sujet qu'on nous rentre dans la gorge, le début, un déroulement, une fin, puis à la fin, tout le monde est heureux, on se prend par la main puis on danse. Non, c'est pas une série qui est dans ce genre. Non, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, j'aimerais voir un peu moins venir certaines affaires dans Modern Family. J'ai l'impression que des fois c'est un peu on voit la première solution qu'on aurait pu avoir sur certaines. Bon, ouais, c'est peut-être juste les épisodes sur lesquels je suis tombé. Mais je pense que l'écriture aussi évolue en tant que telle parce que quand on est rendu à la saison 5, il y a beaucoup de sujets qu'on a parlé de la saison 1, comme le fait d'avoir des mariages avec une tranche d'âge très différente, les différentes sortes de couples. Bon, a été assez usé durant la saison 1 et la saison 2. Après, on part dans d'autres sujets et je trouve que ça se renouvelle bien quand même. Okay. Donc, peut-être que si tu trouvais justement que les premières saisons... Moi, c'est dans le saisons... présent, j'ai regardé. J'ai regardé du présent. Ouais. Ah, peut-être que ça s'est essoufflé, là. je suis pas à jour encore dans cette série-là. J'en ai écouté beaucoup. Je pense que je suis rendu à la saison 4 ou 5, là. Okay. Mais je suis rendu à la saison 5. Je suis quand même pas pris, en essai. Ouais, ça va bien. Ça va bien. T'avances. Avis rapidement positif. Bon, pour l'humour, moi, j'aime beaucoup le style d'humour qui est là-dedans, que je trouve assez intelligent et assez osé. Pas de rire en canne, toujours un plus pour moi. Des tabous qui sont bien présentés, qu'on veut pas nous rentrer nécessairement ou dire que c'est un tabou et que c'est pas bien que ce soit un tabou. Et les sujets qui, selon moi, se renouvellent quand même bien. Point négatif, j'ai mis en point négatif le défaut que plusieurs sitcoms américaines peuvent avoir. Écouter en ligne, ça peut être essoufflant. Okay. Ça peut être fatigant là, de les écouter un à la suite de l'autre. À un moment donné, c'est une série qui se veut... c'est une série collation. Ouais, c'est ça. J'aurais dû noter ça comme ça. C'est bien dit, puis passe partout comme tu as dit tantôt, c'était très bien aussi. C'est drôle parce que, juste pour faire une petite parenthèse sur Steven Levitan, qui est un des scénaristes, je crois, Steven Levitan. Oui. C'est drôle parce que c'est un gars d'extrême. Il a travaillé sur certaines de mes émissions préférées, comme Just Shoot Me, en français, voilà, dans les années 90. Il a fait Star Craving Mal, que j'adorais, avec Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother. Mais il a aussi fait certaines des pires émissions, dont Oui Chérie, Yes Dear, dans les années 2000 sur CBS. C'était une des sitcoms les plus plates au monde. J'ai vu passer Oui Chérie. Oui, mon chéri. J'ai vu passer Oui Chérie, puis je m'en rappelais plus. J'écoutais des trucs sur YouTube, puis j'avais. Je me rappelais vraiment plus de ça, mais je suis sûr que j'ai déjà vu des émissions de ça. C'était le prototype de la série qui joue, mais que personne regarde, mais qui revient tout le temps, tu sais pas pourquoi. Puis revient, puis revient, puis revient, puis revient. Oh boy, ok. C'est vraiment ça. En tout cas, bref, okay. C'est une parenthèse, mais bizarre comme les extrêmes, tu sais. Mais je pourrais parler de séries, justement, qui reviennent comme ça. Il y a des séries qui sont notées dans les pires séries qu'on a eues, mais qui ont des saisons interminable. Il y a des tonnes de ça. Moi, une qui me fascine tout le temps, c'est Joséphine l'Ange Gardien, une série française. Notée sur plusieurs sites comme une des pires séries, très mal notée. Pourtant, c'est une série que ça fait longtemps que ça joue, puis qu'il doit bien avoir du monde qui l'écoute, ça doit bien fonctionner pour que ça, séries, ça joue à ce point-là. C'est comme des séries fiables, que tu sais que tu vas avoir une cote d'écoute comme correcte, ça te coûte le montant correct, puis t'as pas trop à t'en faire avec ça, t'as pas à chercher du nouveau. Je sais pas, il y a des séries comme ça que tu te demandes pourquoi, puis c'est sûr que la raison, c'est juste que c'est correct. Ouais. Elle rentre dans son argent, puis elle remplit l'horaire. La mission, c'est exactement. C'est une série qui doit pas coûter cher non plus, Joséphine. Non, c'est ça. Donc oui, je pourrais revenir avec des séries comme ça. Parenthèse, vite, vite, j'en parle 2 minutes. J'ai écouté Pokémon, le reboot. Oui, je voulais que tu m'en parles. C'est le nouveau, là. Oui, parce que pour rappeler aux gens de où ça part, la Luitre fait un spécial chaque année sur... bon, on a eu 2 années de suite la Poké-Luitre. Je sais pas si ça va revenir l'année prochaine. C'est toujours les âgés, les nouveaux âgés qui décident ça. Ouais. Et j'avais parlé lors de cet événement-là qu'il existait une série de Pokémon qui était un reboot, finalement, de l'autre Pokémon. Et je voulais en faire un épisode complet. Mais c'est impossible pour moi d'en faire un épisode complet, c'est 4 épisodes. C'est 4 demi-heures en plus, c'est quoi? C'est 4 demi-heures, oui, d'épisodes. Ça s'appelle Pokémon Origin et c'est sorti spécialement juste avant les derniers qui sont sortis sur 3DS. C'est sorti pour la Luitre, en fait, non? Oui, exactement, c'est juste pour nous que c'est sorti. Alors, ça se trouve très facilement si vous marquez Pokémon Origin, ça se trouve très, très facilement si vous êtes curieux et ça suit vraiment à la ligne les premiers jeux qu'on a fait de Pokémon et beaucoup trop à la ligne. C'est genre, tu sais ce qui s'en vient. Trop. Oui, tu sais, tu vis exactement les mêmes affaires. T'as déjà vécu. Il y a des répliques qui sont dites là-dedans que tu fais, ben, c'est des répliques pile du jeu. Que j'ai cherché, que j'étais là, ça me dit quelque chose, cette réplique-là. Puis vraiment, on a le même parcours, les badges, on a les mêmes histoires avec la Team Rocket. C'est bien animé, c'est très gnagnant. Bref, c'est pas si bon. Déçu. Je suis très déçu. Je pensais que c'était plus... mais non, le gars, il est tout étonné de se rendre compte que du feu, ça perd contre de l'eau. Ouais. Mais on s'entend quand même qu'avec le nom Origins, tu te dis que probablement qu'ils vont raconter l'histoire des origines qui était en même temps l'histoire du début du jeu. Fait que c'est ouais, un ouais, parallèle. C'est ça. Mais j'espère qu'ils vont aller plus loin et peut-être éventuellement faire les autres jeux. Puis, truc très spécial, entre chaque épisode, le premier et le deuxième épisode, faites pas le saut parce que j'ai cherché longtemps. On va nous faire un rewind de qu'est-ce qui s'est passé avant, mais on va nous parler de choses qui s'est jamais passées dans l'épisode 1. Fait qu'on va nous parler, on arrive dans l'épisode 1, ok, il va chercher son Pokémon, il découvre ça, il part à l'aventure, ok, c'est cool, bon, il découvre le premier badge, ok. Épisode 2, et boy, on saute d'un laps. Il y a 2 badges de plus. Ses Pokémon ont tous évolué. Puis on nous fait un rewind de ça. Il nous dit j'ai affronté telle personne, j'ai traversé telle chose. Oh, c'est quel genre de pendant votre sommeil. C'est ça, ceux qui connaissent bien les premiers jeux, les premières versions de Pokémon, on a traversé comme 3 villes là, entre 2 épisodes qu'on n'a pas vu. Fait que c'est vraiment. C'est direct. Là, c'est très bizarre comme idée. Mais je pense que c'était vraiment un outil promotionnel. Ouais, parce qu'il y avait juste 4 épisodes, fallait qu'ils sortent quelque chose de moi. Oui, dont je suis la victime en ce moment. Oui, mais c'est fait. Je peux mettre un crochet à côté de ça. Au moins. Ouais, mais je l'ai pas noté, Pokémon, ça vaut pas la peine. Non. Il y a pas de petite phrase cute à la fin pour Pokémon Origins. Non, c'est ça. C'est. Écoutez-le pas, c'est drôle. Moi, j'ai écouté ça. C'est drôle, mais au bout du 3e épisode, j'ai fait un qu'est-ce correct, j'ai compris. T'as pas écouté le 4e? Non, j'ai pas écouté. Peut-être que tout est dans le 4e, mais ça explique pourquoi tu l'as écouté. Oui, dans le fond, dans le 4e, tout ceci n'était qu'un rêve. Ça serait le bout du bout. C'est à la fin, à la place d'être gars de catch et mort, c'est got you! Oui, c'est ça. En tout cas, c'est drôle. C'est quand même drôle parce qu'il y a vraiment plein de petites répliques, plein de petites perles qu'on dirait que la série se rend pas compte que c'est très drôle, genre le Pokébot qui essaye carrément de cambrioler un autre Pokémon puis qu'après ça qu'il va battre la Team Rocket qui fait la même chose. Okay. Parce qu'il va essayer de lancer une Pokéball sur un Pokémon déjà capturé. Il va se rendre compte que ça fonctionne pas. Puis après ça, ben c'est ça, il va dire que c'est mal de le faire 2 minutes après l'avoir fait. C'est complètement absurde. Mais les enfants vont trouver ça bien bon. Les enfants vont adorer ça, pour vrai, pour les enfants. Je pense que c'est un gros succès. Si vous avez des enfants chez vous, écoutez-le avec eux, les 4 épisodes. Vous, vous allez trouver ça drôle. Les enfants vont trouver leur compte, j'en suis convaincu. Il va juste falloir leur expliquer c'est quoi le what the entre les deux épisodes bizarres, qu'il y a un gros laps de temps qu'on comprend pas. Ouais, c'est ça. Tu disais disponible en streaming un peu partout. Tu l'as regardé toi à l'origine sur quoi? Si tu ça vient, est-ce que c'est Netflix? Ça se trouve facilement. Bon, YouTube, Dailymotion pour la version française. J'ai essayé de le trouver en streaming sur un site original. Ouais. Je l'ai trouvé, mais en japonais, sur un site japonais. Donc, j'ai fait. C'est peut-être meilleur en japonais. C'est peut-être ça le problème. Oui, c'est ça. Je l'écoute en anglais et en français. Oui, je devrais l'écouter en japonais, c'est ça. Dans le fond, ça change tout. Ça devient hyper philosophique. Mais oui, c'est ça, ça se trouve très très facilement. Mais il faut savoir, il faut vraiment taper Pokémon Origin pour le trouver. C'est bon, c'est noté. Mm. Voilà donc à écrire une grosse chronique avec 3 séries si on y pense bien comme faut. Génial. Et dire qu'il nous en reste encore 2. Oui. Ah, avoir su. Les 2 prochaines semaines, 2 autres chroniques avec Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. C'est génial, c'était génial. Nous, on va continuer. On va continuer en musique. Parce qu'à chaque fois que je prends la pause à 9h15, je me dis pourquoi est-ce que j'ai pris la pause à 9h15 à la place, j'aurais dû pas la mettre. Donc on écoute La Bronze. Oui, La Bronze, excellente formation. Et on va entendre, à la place d'écouter leur extrait Explose-moi, qu'on écoute beaucoup en ce moment, j'ai envie de retourner en arrière et écouter La Jeunesse Féline, leur ancienne pièce. Oui. Était très bonne. Donc voici La Bronze à Assemblage Rock. Cœur dans un pot maçon bien scellé. On consomme la beauté quand enfin une j'imagine. Nous sommes là, jeunesse féline. La bonze et la jeunesse féline à Assemblage Requis. Il nous reste pas beaucoup de temps pour faire une grosse chronique, donc à la place, faisons-en une petite chronique, une toute petite chronique. Logique. Logique, qu'on fait pas souvent, mais quand on la fait, on la savoure comme un jelly bean bien sucé. C'est les paroles des autres. Les paroles des autres dans laquelle on écoute une chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers Mathieu Plante, et cette fois-ci c'est sa plus simple expression. Was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. She was very beautiful, you know? We'll be right back. C'était la chanson thème de la chronique Sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Et la chanson est Fumuge. Là, c'est le groupe Fumuge. Avec la pièce 17 or 18, I guess, sur l'album The Robot and the Chinese Shrimp qui date de 2008. Je sais que c'est Steph qui a trouvé cette chanson-là elle-même. Ben oui, pour une fois. Tu peux me dire comment t'as fait ça? Comment j'ai fait? J'étais allé dans la discothèque de C'est Fou, j'ai écouté de la musique au hasard. Oui. Non, c'est quoi j'avais tapé donc pour m'inspirer? Je sais pas, je pense que je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai Fumuge et 17 or 18, I guess. Il n'y a aucun mot là-dedans qui pourrait être vraiment. Je sais pas, j'ai vu crevette. Je me dis que ça m'a allumé. Ah, ça se peut. Donc, Fumuge, un groupe d'électro, de rock et de hip-hop français formé à Tours. Ça va être ça? Ben oui. Ben oui, mais je sais bien. Initialement, un trio basse, batterie et guitare, Tourangeau, avec Frédéric, Romain et Julien. Ils ont sorti un premier album en 2005, Monstrueuse Normalité, et ils ont fait de nombreuses dates en France. Ce premier album est plutôt axé dub et électro, blablabla. Et le groupe a décidé de se séparer en septembre 2014, après un dernier concert à Bourges. Voilà. Donc, The Robot and the Chinese Shrimp, qui est leur album numéro 6. Date de 2008. Allez voir la page Wikipédia pour en savoir un petit peu plus sur ce groupe-là. Et la pièce au complet est en lien sur assemblagerequis.com. Ça vous tente de la réentendre? C'est le fun d'entendre les bouts qui paraissent pas dans le fond. Ça parle un peu. C'est tellement bonne. Vraiment très bonne chanson. Je l'adore. Oui. Bravo. Et donc, on écoute la chronique Sa plus simple expression les lundis en ce moment à l'émission. Voilà. Mais c'est là-dessus qu'on va terminer Assemblage Requis. Oh. Ah oui, je sais. Ah, c'est comme ça. Mais par contre, la bonne nouvelle est que... on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30. Yeah! On dirait à partir de 7h30 demain à l'émission. On sera quoi? On va être jeudi. C'est vrai. Donc on a Marie-Laurence Audet qui va être là pour le loisir bien plus qu'un jeu. Et c'est confirmé, on va avoir Laurent Constantin avec sa chronique. C'est rendu quoi? Le globe en concentré, c'est ça? Ouais. Ça se concentre pas souvent, mais quand on se concentre pour la peine, tu sais. Donc c'est demain à l'émission. Restez à l'écoute sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, le mercredi marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show à 13h et les Palmarès C'est Fou à 15h. À 18h, l'émission de musique électronique automatique et à 19h, des découvertes musicales avec les Audacieuses. Mais dans quelques instants, dans un petit peu plus qu'une demi-heure, ce sera Connaître ensemble, le magazine pour tout savoir sur la périnatalité. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. On remercie Frédéric Bernard. Véronique Mie. C'est vrai. Charles-Antoine Rioux. Oui. Au revoir. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Merci, Mathieu Plante. À demain. Bye. Bye.